bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 154.0. Bon, on est en direct de ma cuisine. Je m'apprête à cuisiner. Je me suis dit, ah, pourquoi j'enregistrerais pas le Lobster en train pendant que je fais ça? Bon, tout d'abord, des nouvelles un peu du Lobster. En ce moment, je peux pas le publier. Bon, je le prépare, mais le site où je suis hébergé, là, archive.org, ont été victimes là, d'une attaque. C'est une attaque là, de DDoS, Denial Service, quelque chose. Là. Donc, pour l'instant, le site est down. Ils sont en train de renforcer la sécurité pour avant de retourner en ligne, mais ils disent que ça peut prendre plusieurs jours. Fait que là, en ce moment, je suis incapable de publier le Lobster, mais bon, il sera préparé. Fait que dès que ça revient, le 154 pourra sortir. Alexa, moins fort. Sinon, vous êtes avec moi dans la cuisine. Je suis en train d'écouter une émission sur Netflix ces temps-ci. J'écoute l'émission, comment ça s'appelle? Je vais aller voir, ça s'appelle... Ah là, j'ai les mains tout sales. Ça s'appelle, deux secondes... Le choc des tocs. C'est une émission coréenne où ce que ils ont fait venir plein de chefs super cotés qui ont des étoiles et ont des restaurants avec des étoiles Michelin. Puis c'est comme un concours. Ils se battent, eux, c'est les tocs blanches. Puis ils vont se mesurer contre des tocs noirs. C'est des chefs aspirants qui sont super bien cotés aussi. Puis là, à force d'écouter ça, j'écoute ça ce soir. Là, ça m'a donné le goût de manger coréen. Mais bon. Je connais pas vraiment ça. Fait que je suis parti aujourd'hui chez... aujourd'hui, c'est la journée de l'Action de grâce. On a congé. Puis le magasin TNT Market il est ouvert quand même. Fait que je suis allé en ville aujourd'hui pour ça. Parce que eux ont tous les produits que j'ai... les genres de produits que je vois dans l'émission coréenne. Fait que là, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une sauce qui s'appelle... C'est une sauce coréenne qui s'appelle sauce bulgogi. C'est une sauce à marinade. Fait que là, je me suis dit que j'allais mariner de la viande là-dedans. Puis là, ça sent bon. C'est pas, ça, pour vous donner une idée, je viens juste de goûter à la sauce. Là, ça sent comme la sauce à spirib, mais à un autre goût, là, mais dans ce style-là. Donc, ceux qui aiment les spirib, moi, je suis gâté. Là, les spirib, c'est une des choses qui me fait le plus triper. Là, c'est dans mes mets favoris. Puis là, c'est ça, la sauce, ça sent ça. Fait que... ça goûte ça, donc ça va être délicieux. Donc là, ce que j'ai acheté, c'est quoi que j'ai acheté comme viande? On va juste me laver les mains. J'ai acheté des bouts de côte de porc avec du cartilage. Ça me faisait penser à des spéribs. Fait que écoute, sans le savoir, c'est ça qui se ramasse dans mon plat. Puis ça va aller très bien, je pense, avec la sauce bulgogi. Puis j'ai acheté aussi des genres de c'est pas du chou chinois là, mais c'est comme des bok choy, mais une sorte qui vendent juste chez TNT Market. TNT Market là, c'est comme une épicerie chinoise, mais c'est immense là, c'est plus gros qu'un IGA. Puis tu peux avoir, je n'ai déjà parlé là, tu peux avoir du crabe des neiges, tu peux avoir, il y a plein de choses là, tu as toutes les sortes de poissons qui sont disponibles. C'est vraiment une épicerie asiatique là, où ce que tu trouves tout. Puis, il n'y a rien là, des produits que nous, on connaît habituellement. Là, c'est vraiment tous des produits asiatiques. Donc là, c'est ça, je suis en train de faire mariner ma viande. Puis, je vais la frire dans un poêle, puis dans l'huile. Parce que dans l'émission que j'écoute, c'est ça qu'ils ont fait. Puis, je pense que c'est ça qui va être bon. J'ai regardé c'était quoi un bulgogi. C'est de faire frire la viande dans de l'huile. Fait que là, je pense que ça va être bon avec la marinade que j'ai mis. Donc, on y reviendra plus tard. Bon, de quoi on va parler d'autre dans ce Lobster 154? J'ai tellement de choses. Vu que c'était congé aujourd'hui, j'étais allé en ville. J'étais allé justement chez TNT Market, mais j'étais allé à la boutique aussi la boutique de Comic Hunter, là, où ce qu'ils vendent les livres, les comics que j'aime acheter. Puis j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé un objet religieux dans le même style que mon artefact maudit de la dernière fois, là, mon affaire dans le cou, mon chapelet. Là, c'est un genre d'affaire. C'est comme tu tiens dans la main l'affaire, puis il y a deux branches qui tiennent un genre d'affaire qui tourne. C'est comme une loupe dans le fond, mais la loupe dans le milieu est amovible, elle tourne. Puis d'un côté, c'est écrit oui, de l'autre côté, c'est écrit non. Puis là, ça me permet de tourner la roue en visant quelque chose, puis je peux poser une question, puis comme lire dans le futur avec ça. Puis ça me permet d'avoir la réponse oui ou non. Donc, j'ai acheté ça. Ça faisait partie d'un lot d'objets religieux qu'ils vendaient à boutique. Je sais pas pourquoi il y avait des objets religieux aujourd'hui. Il y avait des calices pour boire le vin. En tout cas, moi, j'ai acheté juste ça. Juste l'affaire pour lire dans le temps. Quoi d'autre? Ah oui, aujourd'hui, à la boutique, pour ceux qui trippent Batman, le premier Batman là, de Détective Comics qui est sorti, c'est la première apparence de Batman dans une chose de comic. C'est en mai 1939. Ils ont réimprimé le premier détective comic de ça. C'est le numéro 27. Ils l'ont réimprimé pareil. La seule différence, j'ai demandé au propriétaire, il me dit que la seule différence, c'est qu'il est un peu plus grand que le format original. Ça, c'est une des différences. Puis au lieu d'être écrit 10 sous, c'est 7,99. Là, c'est 7,99 US. Ça m'a coûté 10$. Puis tantôt, ensemble, on va lire ensemble l'histoire du premier Batman. Je pense qu'on va prendre le temps de la lire ensemble. Puis quoi d'autre? J'ai plein d'autres choses que je veux parler. Ah oui, j'ai acheté. Il y avait une revue qui s'appelle Le Sauvage. Ça, c'était dans les choses à donner. Ça veut dire que les gens ne veulent pas. La boutique ne veut pas vendre ça parce que ça ne pogne pas. Mais dans ces affaires-là, c'est tout le temps le genre de choses qui m'intéressent le plus. Donc, je vous en parle tantôt. Ça s'appelle une revue française, Le Sauvage, une revue de 1978. Puis ça parle des choses qu'il faut faire de façon lente, de prendre notre temps sur les choses. Puis il y a un genre de questionnaire vraiment intéressant. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Quoi d'autre? J'ai ramassé le livre à Gaguc, mais ça, c'est pas important. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui! C'est ça, j'ai acheté, en fouillant dans les nouvelles affaires en français, il y avait le catalogue Canadian Tire des années 1960. C'est le catalogue 1971-1972. Puis dedans, c'est vraiment intéressant. Tantôt, je le regardais, puis on voyait le prix des pneus d'hiver. Parce que justement, je parlais de ça avec mon père tantôt, faut que j'aille faire installer mes pneus d'hiver. Puis là-dedans, les pneus à cette année-là, là, les pneus d'hiver étaient en vente pour 25,50 en spécial. Fait que tantôt, je vais le feuilleter avec vous, puis on va regarder un peu c'est quoi le genre de prix qu'il y avait là-dedans. Donc c'est ça pour le début du Lobster. Je me fais à souper, puis je suis de retour avec vous après cette chanson. You wait for De retour dans ce Lobster 154.0. Je dois vous dire, mon souper, c'était délicieux. C'est rare là, que ça arrive, là, mais j'avais l'impression d'être au restaurant, tellement c'était bon. Cette sauce-là que j'ai trouvée, là, la sauce bulgogi, là, la sauce coréenne, c'est vraiment, je vous la conseille si vous êtes dans le coin de Montréal, là, allez chez TNT Market. Cette semaine est en spécial à 3,75 pour 765 ml. Avec ça, j'ai pris le 1 tiers du bocal, que ça m'a permis de préparer environ... J'avais quoi? J'avais une livre à peu près de viande, c'était du porc avec son cartilage. En tout cas, c'est une viande qu'on ne voit pas chez IGA, que j'ai trouvé par hasard chez TNT Market. Ça coûtait 7-8$ là, pour la quantité que j'avais. J'avais plus qu'une livre, je devais avoir 2 livres. Puis c'était délicieux, j'ai mis la viande dans cette sauce-là, puis j'ai rempli une poêle plate d'huile, j'ai mis la viande là-dedans, je l'ai faite frire pendant 20 minutes à peu près de chaque côté, puis ça a venu comme caramélisé. J'avais l'impression de manger des gros spéribes parce que les morceaux de cartilage étaient immenses. Puis c'est un peu comme des spéribes parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande à manger, on mange autour. Mais en tout cas, c'est comme des spéribes, mais plus gros. Les morceaux étaient comme carrés au lieu d'être plus sur le long quand on prend les spéribes là, dans le restaurant chinois. Bref, j'ai adoré. T'sais, j'ai tellement aimé ça que je l'ai écrit dans mon livre de recettes où je garde les meilleures recettes que j'ai. Fait que j'ai écrit les étapes pour leur faire. Puis moi, j'ai accompagné ça, comme je vous disais, de bok choy avec des piments puis de l'oignon là, que j'ai fait revenir dans l'huile puis dans cette sauce-là. Là, je l'avais mis un petit peu aussi pour donner le même goût. Puis c'est ça, là, je vous dis que j'ai mis ça avec des poivrons. Avec mon frère, quand mon frère est descendu l'autre week-end avec sa copine et mon neveu, on est allé faire le tour des boutiques de liquidation, les affaires de village de valeur là, dans ce style-là. Puis à Valleyfield, on est arrêté chez Liquidation Marie. C'est une boutique où ils vendent du stock déclassé ou passé date ou ce genre de bouffe-là. Là. Où il y a des boîtes brisées, puis fait que les épiceries peuvent pas les vendre, puis ils refilent à ces magasins de liquidation-là. Puis quand on est allé au magasin de Valleyfield, on a passé vite, il y avait pas l'air d'avoir rien d'intéressant. Mais là, Liquidation Marie sur Facebook, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une autre boutique à Saint-Zotique, juste à côté de la boutique où je vais jouer à Star Wars le dimanche. Fait que j'ai dit, je vais aller faire un tour à cette boutique-là. Je pense que c'est la première boutique, c'est la plus grosse. Puis là, je suis arrivé là, finalement, c'était pas la plus grosse, c'était un peu dans le même style. Mais là, j'ai pris le temps de bien regarder les choses. Ça avait comme pas de bon sens, les prix. J'ai acheté un sac de 1 livre à peu près de petits poivrons qu'on mange pour déguster. Là, ils vendent ça des fois chez IGA. Mais là, c'était 1$ le sac. T'sais, d'habitude, c'est, je sais pas moi, 2-3$, 4-5$ chez IGA. C'était 1$. Après ça, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre qui n'avait pas de bon sens? Ah oui, mon gars, il boit des genres de liqueurs. Pas des liqueurs, là, mais des genres de jus sucré. Comme Stewart, t'sais, il vend ça chez IGA. Mais là, c'est une autre marque, c'est une marque mexicaine. Puis cette marque-là, je la trouvais juste chez... Où est-ce que je la trouvais? Des fois, il y en a chez IGA, mais sinon, je l'achetais chez chez Fruitassi à Montréal. Mais là, j'arrivais chez Liquidation Marie, puis là, je sais pas, ils sont probablement passés date, mes bouteilles, là, mais c'était une caisse de 24 pour... ça m'a coûté 18$. D'habitude, c'est 2-3, ben, c'est proche de 2$ la bouteille, je pense. 2$, 2$50, 2,25. Mais là, ça me revient à 80 cents. Puis en plus, la personne qui m'a fait payer a oublié de me charger la consigne. Fait que 24 fois 10 sous, on renlève 2,40 sur ma face si j'y ramène. Bon, c'est rare, je ramène mes bouteilles. Là, j'ai sac à récupération, mais quand même, ça a revenu vraiment pas cher. C'est quoi que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai acheté un pâteau poulet. Puis il était en spécial, ben il est en, tout est en spécial là, chez Liquidation Marie, mais il était pas cher parce que les boîtes avaient été brisées. C'est des boîtes plaisir gastronomique, mais toutes les boîtes étaient scrap. Mais écoute, j'arrivais à la maison, j'ai fait cuire ça, puis je l'ai mangé en deux jours, là, c'était délicieux. Mais là, au lieu de payer 12 piastres, parce que c'est le gros pâté au poulet, c'est, combien, 875 grammes, 900, bah, quasiment un kilo, il était 8,75 $, alors qu'en épicerie, ça coûte 12-13 piastres. Puis sinon, ils vendent aussi des produits qui sont passés date, dans la, par exemple des saucisses, soit que qui sont passés date ou que la date de péremption est vraiment proche, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils congèlent. Ils les congèlent avant que ça passe date. Donc, j'ai acheté des saucisses. C'est quoi? C'est les saucisses Stefano. C'est 6 $ pour 4, alors qu'à l'épicerie, c'est un peu plus cher. Fait qu'en... Ah oui, j'ai acheté quoi? J'ai acheté des cornichons. Un gros pot de cornichons, sont 1,50 $. Puis les... c'est quoi l'autre pot que j'ai acheté? Je me souviens pas, mais en tout cas. Je suis revenu découragé. Là, j'ai acheté plein d'affaires passées date. Puis ce qui est drôle, c'est que mon gars, il veut pas manger mes affaires passées date. Mais là, j'ai enlevé les étiquettes pour pas qu'il voit. Parce que le canage, c'est toujours bon, tu sais. Des cannes de tomates en D, là, chez Liquidation Marie, c'est 80 sous pour des grosses cannes, alors qu'à l'épicerie, c'est 2 piastres. Fait que, en tout cas, je suis rendu que j'aime ça, cette boutique-là. Donc, ils ont 3 boutiques, si jamais vous êtes dans le coin de Montréal. Il y en a une à Valleyfield, une à Saint-Zotique, puis l'autre qui ouvre prochainement, j'y vais par cœur, là, je pense que c'est Saint-Jérôme. Puis bon, avant de conclure sur la bouffe, je voulais juste vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ma sauce bulgogi. Je suis allé la chercher pour voir les ingrédients, là, pour voir avec vous qu'est-ce que je mange. C'est du sucre, le premier ingrédient. Bon, c'est pour ça que ça goûte bon. Là, ben. Après ça, de l'eau, sauce soya, de l'ail, du sel, du vin de cuisson mi yang hang, de la levure, du gingembre, des graines de sésame, de l'alcool, bon... L'alcool, y a-tu de l'alcool là-dedans? On va regarder, y a-tu un pourcentage d'alcool? Non. De toute façon, quand on cuit, il disparaît. Après ça, amidon, gomme de xanthane, ça doit être du sucre. Poivre noir, extrait de pamplemousse, moi, on dort. C'est bizarre, hein? Acide citric, ça c'est pour la conservation. Puis il peut contenir poisson, crustacés, mollusques, moutarde. Donc, c'est ça, c'est une sauce coréenne qui est quand même assez épicée. Moi, c'est sûr, je vais en racheter quand je vais y retourner parce que là, c'est devenu une recette restaurant que j'arrive à faire à la maison. Là, elle est en spécial à 3,75 pour 765 ml, mais elle va être à, je me souviens, là, c'était quasiment 7 $ pour quand elle sera plus en spécial là, la prochaine fois. Je vais y aller. C'est marqué produit de la Corée. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, c'était le lien avec l'émission que j'écoute sur Netflix. Sinon, oui, je parlais aussi de Star Wars, là, que c'est la boutique Liquidation Marie est proche de Star Wars. Dernièrement, j'ai reçu mes cartes de l'extension 2 de Star Wars, je joue à Star Wars Unlimited. Puis avec mon ami Martin, bon, on s'est acheté 3 boîtes. Lui, il voulait une boîte, moi, j'en avais acheté 2. Puis bon, ça a pris du temps avant qu'on reçoive nos boîtes, puis on vient juste de les recevoir, puis... Bon, moi, j'attendais avant d'ouvrir, on avait juste reçu une boîte, puis je voulais pas la splitter en deux parce que dans chaque boîte, on a à peu près 3 à 4 cartes légendaires. Donc, si on se splitait la boîte en deux, ça risquait que quelqu'un pouvait avoir les cartes légendaires, puis l'autre, bon, avait rien. Donc, c'est mieux quand tu achètes des boîtes d'ouvrir ta boîte au complet, pas de la splitter en deux, parce que ça se pourrait que l'autre ait toutes les bonnes cartes. Donc, c'est ça, moi, j'ai ouvert mes deux boîtes, et là, j'ai été vraiment chanceux, moi, dans une de mes boîtes, parce que dans Star Wars, ils font ça aussi dans l'Orcana. Ils ont fait ça aussi dans Magic. Ils mettent des cartes qui sont vraiment super rares à avoir. Dans l'Orcana, ils mettent un dessin différent, puis tu peux pas en avoir souvent. Dans Magic, à un moment donné, ils ont fait un set sur le Seigneur des Anneaux, puis ils ont mis l'anneau dedans. Mais je pense qu'ils ont fait une carte. Je pense que c'est mon ami Étienne qui m'avait envoyé ça. Puis quand il me l'a envoyé, j'avais checké, puis j'ai dit « Ah non, l'anneau, on peut l'avoir dans... » L'anneau de Sauron, on peut l'avoir quand même en carte normale. Mais en tout cas, il en avait fait une vraiment unique Je sais pas si elle était signée ou elle était différente, mais c'est ça. Quand ils font des cartes dans ce style-là, ça prend de la valeur pas mal. Puis là, dans ma boîte Star Wars, moi, j'ai eu une carte qui appelle ça une carte Showcase. Ça, tu peux en avoir une sur... Eux, leur ratio de distribution, c'est qu'ils en mettent une environ par 12 boîtes que tu achètes. Donc, il faut que tu achètes 12 fois 24 paquets avant, donc 240 plus 48. Donc, il faut que tu achètes quasiment 300 paquets avant de te dire que si tu es chanceux d'en pogner une carte de showcase. Évidemment, ce qui se passe, c'est que la carte prend de la valeur. La mienne, moi j'en ai attrapé une dans une boîte. La mienne, attends, je pense qu'elle est juste dans cette boîte-là. Non, elle n'est pas là. Moi, celle que j'ai eue, c'est Moff Tarkin. Moi, je suis pas un spécialiste de Star Wars. Là. J'aime bien le jeu, mais je connais pas les personnages. Puis, j'ai pas tout vu les séries. Mais en tout cas, Grand Moff Tarkin, moi, c'est pas une qui vaut super cher, mais elle vaut quand même 170$. Puis, le prix d'une boîte, je pense qu'on a payé nos boîtes 160 plus taxes. Je me rappelle plus exactement. Donc, ça vaut quasiment le prix d'une boîte. Là, je me suis informé au magasin, il m'ordonnerait quand même 120$ pour ma carte. Fait que là, pour l'instant, je vais la garder, je vais attendre qu'elle monte de prix. Mais c'est ça, il y en a à peu près combien? Il y en a 10 de ces cartes de showcase-là qu'on peut pogner, 10 ou 12. Moi, j'ai pogné une, c'est pas elle qui est comme dans le milieu, là, elle vaut, parce qu'il y en a une, il y en a comme 2-3 plus, qui valent plus cher. Il y a Yann Solo, je pense, qui vaut le plus cher, qui vaut 450$. Ça veut dire quand tu prends que ça, là, Yann Solo Showcase, ça vaut 3 boîtes. Ça n'a pas de bon sens. Puis, en plus, ces cartes-là, ben tu peux les avoir en format normal. C'est juste que le dessin n'est pas brillant et le dessin est normal. Puis, ça coûte 2$ la carte. Ou même pas. Là, c'est des cartes de leader. On peut les avoir sur une pièce sur eBay. Fait que c'est ça. Fait que moi, évidemment, je m'étais dit si j'en pogne une, je me dis ça à chaque fois, si j'en pogne une, je vais la vendre. Donc, je vais juste attendre un petit peu qu'elle prenne encore de la valeur parce que là, tant que le set est en vente, c'est sûr que la carte, le prix ne monte pas, mais à partir du moment où le set n'est plus en vente puis qu'il y a de la demande, eh bien, le prix va monter. Donc, c'est ça. Donc, je suis bien content. Une belle carte de Star Wars là, qui m'a remboursé ma boîte au complet. Sinon, je vous avais dit qu'on lirait ensemble Batman. Batman est apparu pour la première fois dans la revue Detective Comics. C'est des comic books. C'est le numéro 27 de mai 1939. Puis bon, gars, moi je ne l'ai jamais lu, puis ça me tente de le lire avec vous. Vous pourrez dire que vous avez lu la première apparition de Batman dans un livre. Donc, sur la page principale, c'est écrit « Starting this issue, les aventures amazing de Batman ». Fait que là, on a Batman dans les airs et tiens... Là, c'est bizarre parce que Batman, il est dans les airs, mais il est comme accroché après un fil, comme Spider-Man. C'est Spider-Man, d'habitude, qui accroche des affaires après les édifices pour voler dans les airs. Mais en tout cas, Batman, il le fait sur cette page-là. C'est bizarre. OK, on commence. Donc, ça commence... Oh, mon Dieu! Donc, c'est... Ils ont vraiment réimprimé comme c'était en 1939. Donc, les images sont pas belles. L'image, c'était pas la qualité. C'était pas fait avec Photoshop. C'était pas dessiné électroniquement. Là. Oh boy! Donc, en tout cas, on va voir combien il y a de pages. Je pense qu'il y a 6 pages seulement sur Batman. Parce que c'est sa première apparition. Et c'est une revue qui a combien de pages? Qui a... Je ne sais pas s'ils l'écrivent, mais je vous dirais qu'il y a 60 pages à la revue. Puis Batman en utilise 6. C'était sa première apparition avant de devenir célèbre et d'avoir ses films. Et par la suite, bien évidemment, les revues de Batman, si tu les achètes maintenant, il y a Batman tout le long de la revue, mais ça n'a pas 60 pages. Là. Ça a les comics, il y a combien de pages? J'en ai pas à côté de moi, là, mais je pense que c'est 23 pages. Donc c'est ça, on y va. Le Batman, une figure aventureuse et mystérieuse, combat le crime et les forces mauvaises de la société. Son identité reste inconnue. Puis là, on voit plein de gens, on voit deux personnes qui fument la pipe assis dans un bureau. Puis c'est le bureau du commissaire Gordon qui, à ce moment, est en train de parler avec Bruce Wayne. Puis là, Bruce dit, bien, commissaire, qu'est-ce qui arrive de beau ces jours-ci? Il dit rien, excepté cet homme qu'on appelle Batman et qui me casse les oreilles, plutôt sur lequel je me questionne. Puis là, il reçoit un appel téléphonique. Allô? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Lambert, le roi du chimique, a été retrouvé mort. Son fils, on a retrouvé les impressions des doigts de son fils sur le couteau. Ok, j'arrive. Fait que là, le commissaire, il se vire vers Bruce, puis il dit, bon, je viens de parler, il dit, parle-moi de quelque chose d'aussi excitant. Le vieux Lambert a été tué dans son manoir. J'y vais maintenant. Veux-tu venir avec moi? Ah, puis là, Bruce, qui fume sa pipe, dit, bon, vu que j'ai rien à faire, je vais y aller avec toi. Là, je vous traduis à mesure, là. Je suis pas super bon pour traduire, mais je fais de mon mieux. Puis là, on voit une voiture rouge qui part, c'est le commissaire puis Bruce. Puis là, c'est écrit qu'ils vont à haute vitesse vers la résidence de Lambert. Là, on les voit les deux arriver, puis ils parlent à un sergent. Bonjour, sergent. Tout est sous contrôle? Oui, monsieur. Nous avons le jeune Lambert dans la chambre arrière. OK. Fait que là, on voit qu'il y a 3-4 policiers. Il y a le fils de... Il y a un homme mort par terre habillé en rouge. Fait que là, le commissaire, il parle au sergent, il dit, bon... Finissez ici pendant que je vais parler au jeune Lambert. Puis là, on le voit, il s'en va. Là, le jeune Lambert, ça a l'air d'un monsieur qui a l'air assez vieux. Fait que là, c'est bizarre, il a l'air aussi vieux que son père. Puis là, le commissaire, il dit, bonjour Lambert. Il a été dit que vous aviez tué votre père. Puis là, il crie, non, je ne l'ai pas fait. Commissaire, croyez-moi, je ne l'ai pas fait. Puis là, on tourne de page. On s'en va à la page 2. OK. Bon, calme-toi, mon homme. Puis dis-moi tout. Bon, bien, monsieur, ce soir, je suis arrivé tôt et je suis passé par la librairie puis j'ai entendu grogner. Je suis rentré rapidement puis j'ai vu mon père qui gisait sur le sol avec un couteau dans son dos. J'ai couru vers lui et j'ai eu l'impression que quelque chose sortait par la fenêtre à ce moment. Fait que là, on voit une image où t'as Lambert qui rentre dans la pièce, il y a son père à terre avec le couteau dans le dos, puis là, on voit comme s'il y a un courant d'air qui fait bouger les rideaux verts, comme si quelqu'un sortait dehors. Fait que là, Lambert prend son père dans les mains puis dit, c'est écrit, j'ai sorti le couteau de mon père, du corps de mon père, puis je l'ai retourné vers moi, puis j'ai vu qu'il était encore vivant, puis là, il m'a dit, contrat, oh! Fait que là, tu vois Lambert qui a le couteau dans les mains, puis il y a un coffre-fort juste derrière eux avec la porte ouverte. Puis là, Lambert, on le voit qu'il continue à parler au commissaire puis à Bruce. Puis là, il a dit, et là, mon père est mort. Puis là, il précise, c'est comme ça que mes empreintes de doigts ont été sur le couteau. Croyez-moi, commissaire. Puis là, le commissaire, il fait, est-ce que votre père avait des ennemis ou est-ce que des gens avaient des intérêts dans ses activités d'affaires? Pas de ce que je sais, commissaire. Je sais, sauf ces trois partenaires d'affaires. Laissez-moi voir. Il y a Stephen Crane, Paul Roger et Alfred Scrimmer. Donc, il décrit les trois personnes qui travaillent avec son père. Puis là, à ce moment-là, le sergent, qui est devant un téléphone, fait signe au commissaire et dit « Commissaire, il y a un homme qui s'appelle Steve Crane qui veut parler au vieux Lambert. Quand je lui ai dit que Lambert avait été tué, il a été très excité et veut vous parler. » Puis là, le commissaire prend le téléphone. « Ici le commissaire Gordon. Quel est le trouble? » Là, il dit, le monsieur au téléphone dit, hier, monsieur Lambert m'a appelé et m'a dit qu'il a reçu un appel anonyme de quelqu'un qui en voulait à sa vie. Aujourd'hui, j'ai reçu le même appel et c'est pourquoi je rappelais Lambert et c'est pourquoi je suis effrayé de qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Donc là, on comprend qu'il y a quelqu'un qui a rappelé Lambert puis qui a rappelé son partenaire d'affaires aussi pour le menacer. Est-ce que c'est vrai? On va le savoir plus tard. Puis là, le commissaire raccroche. Bon. Non, il dit, attendez, et ne partez pas. Nous allons être là bientôt. Puis là, qu'est-ce que c'est, Bruce? Et il se vire vers Bruce. Bruce, il a l'air à taper sa pipe dans sa main. Il dit, commissaire, je dois vous quitter ici pour finir mon travail. Je retourne à la maison. Fait que là, Bruce, qui, on le sait pas, encore, mais nous, on le sait tous. Bruce, c'est Batman. Il quitte le commissaire. Mais Bruce, il a tout écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, pendant ce temps-là, on voit un homme qui menace un autre homme avec un fusil. C'est marqué, pendant ce temps-là, Stephen Crane est assis dans sa librairie avec quelqu'un qui le menace. On entend, dans le haut de l'image, on voit l'homme, c'est écrit, on entend un bruit de tir. Crane, qui est l'homme qui est dans la chaise, gît mort avec la tête pendante dans sa chaise. Il a été tué. Le meurtrier est allé à son coffre et il semble avoir volé des papiers sécurisés. Page 3. Puis là, l'homme qui vient de sortir de la pièce, il est attendu par un autre qui est sur le toit. Fait qu'il monte par une corde. Puis l'autre, l'homme qui est sur le toit, il dit « As-tu les papiers? » Puis l'autre, il dit « Oui! » Mais là, première apparition de Batman. Donc, Batman fait son apparition, page 1, 2, 3. Deuxième image de la troisième page. Fait que c'est la première apparition de Batman. Puis là, c'est écrit « Pendant que les deux hommes regardent leur conquête, ils regardent les papiers, ils ne remarquent pas une troisième figure menaçante qui est derrière eux. Et c'est l'homme Batman. It is the Batman. C'est ça. C'est l'homme chauve-souris. Puis là, il y en a un qui se vire, puis il dit « The Batman! » Puis là, Batman, il vient, puis il fait comme des émissions de Batman, là. Tu sais, quand à la TV, il se cogne, puis il y a des bruits, là, paf, pouf. Là, il donne un coup de poing à l'homme, puis c'est écrit « Crac! » Puis là, c'est écrit en haut « Batman a donné une terrible droite. » Puis là, dans l'autre image, il tient le gars comme les fesses en l'air. Et ça, c'est le deuxième gars. Puis là, c'est écrit « Il a attrapé le deuxième adversaire avec une prise de main. » En tout cas, il donne « Deadly Headlock ». C'est une prise de lutte, là, de la tête. Puis là, il donne un swing, puis il tire. Mais là, c'est tellement mal dessiné. Batman, pour montrer que pour montrer qu'il tire l'homme, ils ont fait son bras comme... ils ont croisé ses deux bras, mais c'est tellement mal dessiné. Ceux qui ont la revue, là, allez voir cette image-là, ça fait pas de sens. C'est comme si que Batman, il dansait le disco là, à la Saturday Night Fever. Là. Il a l'air plus d'un danseur disco. En plus, il a son petit costume... En bas, là, il y a juste un petit costume noir, là, son petite affaire noire autour de lui. Fait qu'il a l'air plus d'un danseur gogo boy. Puis sa face est vraiment laite. Dans l'image qui suit, parce qu'on voit ses oreilles pointues. Puis qu'est-ce qui est écrit? Batman rapidement ramasse les papiers que le meurtrier a volé du coffre-fort de Stephen Crane. Puis là, c'est écrit, pendant ce temps, le commissaire arrive avec sa voiture. Donc, Batman a eu le temps d'arriver chez Crane avant. Puis là, le commissaire, on voit le commissaire qui regarde vers le haut, puis il crie, c'est Batman, attrapez-le! Je sais pas pourquoi. Le commissaire aime pas Batman. Puis là, on voit aussi par terre, on voit l'homme que Batman a tiré. Il a tiré un en bas de l'édifice qui est écrasé sur le sol. Puis l'autre, à laquelle il a fait la prise de tête, il a l'air inconscient, mais il l'a laissé sur le toit. Puis là, on voit le genre de. Dans l'image suivante, c'est le majordome du manoir qui est là. Puis là, qui ouvre la porte, qui dit Monsieur Crane a été tué. C'est horrible! Ah, puis là, le commissaire, il dit ses deux partenaires. C'est maintenant deux partenaires sur quatre qui sont morts et qui ont reçu des menaces de... Allons voir les autres maintenant s'ils sont vivants. Là, il dit, allons chez Roger. Ça fait que finalement, il y avait quatre hommes. Ah oui, c'est ça, tantôt, il a nommé trois personnes en plus de l'autre. Ça faisait en tout quatre dans la compagnie. Pendant ce temps-là, dans l'image suivante, on voit Batman qui est au volant d'une voiture. C'est écrit, Batman lit les papiers. Et il y a comme un... Il dit, Batman fait un sourire malicieux suite à avoir lu ça. Fait qu'on sait pas pourquoi il fait un sourire malicieux. On voit une voiture rouge qui tourne. Ça doit être la voiture du commissaire. Non, c'est la voiture de Batman. Ah, fait que Batman a une voiture rouge. Fait que là, ils disent, Batman roule vers une destination inconnue. OK, il vous reste deux... Il nous reste trois pages. OK. Pendant ce temps-là, Roger a appris la mort de... Roger a appris la mort de ses amis. Puis il y a quelqu'un à la porte. C'est écrit « Hello, Jennings, je vais voir Monsieur Stryker rapidement. » Et qui êtes-vous? Puis là, il donne... Ah, l'homme en vert, il donne un coup sur l'homme qui demandait ça. Il l'assomme. C'est écrit « Jennings Stryker, l'assistant de Jenny. » OK, ben ça a l'air d'être un assistant, quelqu'un qui il a donné un coup sur la tête d'un autre. Il l'a traîné au sous-sol. Puis là, il est en train d'interroger. C'est écrit « Ici, c'est une chambre à gaz. Je l'utilise pour tuer, des cochons. » Des hamsters pour l'expérimenter. Mais maintenant, il dit ça à l'homme qui est en rouge, vous êtes mon guinea pig, mon hamster. C'est pas hamster, mais en tout cas, je sais pas comment traduire. Vous êtes mon hamster. Quand cet être vide va être descendu sur vous et va vous recouvrir, je vais relâcher le gaz à l'intérieur. Et ça va vous tuer. Puis là, l'autre gars, il est pas content, évidemment. Fait que là, l'autre, il s'éloigne. Ah, il est encore tellement mal dessiné. On dirait qu'il descend dans une trappe au sous-sol, mais ils ont mis juste le bout, la moitié du corps. En tout cas, ça a l'air d'un gros joufflu. Fait que là, ils disent, l'homme en vert, il tire comme un mécanisme. Ça fait descendre l'affaire. Mais là, à ce moment-là, c'est là que Batman arrive. Batman, il arrive du plafond. Il a l'air d'avoir un toit ouvrant. Ouais, c'est ça. Batman, il est passé par là. Sa cape en arrière de lui est ouverte, donc ça le fait comme planer. Puis là, Batman, il court rapidement vers l'autre homme qui est assis en dessous de la cloche en verre. La cloche est descendue à la moitié maintenant. Mais Batman semble avoir le temps d'arriver. Ah, Batman rentre en dessous de la cloche, puis il est pogné en dessous de la cloche avec l'autre homme qui est attaché. Puis là, c'est écrit. Rapidement, Batman bouche le jet de gaz avec un handkerchief. C'est quoi ça, un handkerchief? Banca. En tout cas, il a bouché l'affaire pour le gaz. Puis là, oh non, c'est une clé à molette. Fait qu'il a tourné avec une clé à molette. Où c'est qu'il a pris la clé à molette? Ben oui, quand Batman, il courait et dans ses mains, il y avait une clé à molette. Non, on sait pas où c'est qu'il l'a pogné. Quand il volait dans les airs, il y avait pas ça, mais Batman a l'air... C'est sa première arme, Batman, clé à molette. Fait qu'il a tourné avec la clé à molette, l'affaire où ce que le gaz tournait pour le boucher, puis là, il donne un coup sur la vitre en verre pour le casser. Ensuite, Batman est face à l'homme en verre qui sort un fusil de sa main. Il y a une bataille qui s'ensuit, Batman assomme l'homme. Puis là, l'homme... pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Quelqu'un en vert parle. Puis qui dit, « Roger, qu'est-ce qui est arrivé? » Il dit, « Votre assistant Jennings a essayé de me tuer. » Mais là, Batman, il s'est caché. Ah, puis là, on apprend que le deuxième assistant... OK, fait que tous les hommes qui travaillent là, qui sont des assistants, sont tous des méchants. L'assistant numéro 2, qui est en vert parle, vient de sortir un couteau aussi. Puis il dit, « Bon, il a pas réussi à te tuer, lui. Eh bien, moi, je vais finir la job. » Mais on voit que Batman, il est caché derrière des genres de conteneurs avec la pression ou ce qu'il devait avoir le gaz toxique. Puis là, au moment où que l'assistant veut donner son coup de couteau, Batman, il pogne la main et le couteau tombe à terre. Puis là, pendant que Batman, il tient l'homme par le cou, l'autre, il dit « Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? » Puis là, c'est Batman qui répond. Il dit « Ce rat était... Cet homme était derrière les meurtres. Vous voyez, j'ai appris que vous, Lambert, Crane et Stryker, donc les quatre hommes de la compagnie, avez été une fois partenaires dans la compagnie des singes. Et des Apex... pas des singes. C'est Apex Chemical. C'est le nom de la compagnie. Puis là, Stryker... Ah, OK, Stryker voulait être le seul possesseur de la compagnie, mais il n'avait pas assez d'argent, donc il a fait des contrats cachés. Avec vous... Non. OK, fait que là... OK, il y a un de la gang qui était croche puis faisait des choses que... OK. Puis là, il voulait revoler ces contrats-là. OK, il y avait des contrats cachés. Puis là, il y a quelqu'un qui le menaçait de dévoiler ça. Puis c'est pour ça qu'il voulait, qu'il était venu, puis il volait ces contrats-là dans les coffres-forts. OK, on va à la dernière page. C'est pas clair, hein, comme histoire. Je sais pas si c'est moi qui ai traduit pas bien, là, mais c'est pas la meilleure histoire. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, maintenant que le secret a été découvert... Mais comment vous, Batman, saviez-vous tout ça? Ah, ben là, Batman sort le contrat, il le monte. Ah, il dit qu'il l'a trouvé sur un des gars qui était sur le toit, OK. Mais pendant ce temps-là, l'autre gars que Batman tient par le cou, il réussit à donner un coup à Batman, puis il sort son fusil qui est de caché sur sa poitrine, puis il vise Batman, là, mais là, Batman, comme dans les émissions, coup de poing, paf! Puis là, le coup part, le coup manque Batman, mais là, bon, ils sont comme sur une plateforme au moment où il y a la bataille, puis l'homme, vu qu'il a été fessé par Batman, il va dans la clôture, il tombe en bas, puis il tombe dans du produit chimique, puis il meurt. Puis là, le Batman saute par le trou ouvrant, puis il s'en va. Puis là, après ça, on se retrouve chez le commissaire, je pense. Puis là, ouais, le commissaire est en train de lire un rapport, il dit « Bon, puis là, Roger dit que Batman est parti dans le ciel. » Bon, le rapport décrit ce que l'homme a vu. Puis là, le commissaire dit « Bruce Wayne est un bonhomme, mais qui doit avoir une vie boring, une vie plate. Il semble se désintéresser dans tout. » Je sais pas pourquoi il dit ça. Puis là, on voit une porte qui est comme à demi fermée, puis c'est écrit « Bruce Wayne est retourné à la maison, dans sa chambre. » Mais un peu plus tard, sa porte... Ah, OK. Fait que là, c'est là qu'il nous annonce que Batman, c'est Bruce Wayne. Là, il nous montre une pièce de chez du manoir de Bruce Wayne. Puis, ils disent Bruce Wayne est dans sa chambre. Il vient de retourner chez lui. Mais là, la porte ouvre dans la deuxième case, là, la case qui suit. Puis, c'est écrit « La chambre nous révèle son occupant. Le commissaire serait bien surpris de voir son jeune ami maintenant. Il serait amusé d'apprendre que Bruce est Batman. » Puis là, c'est écrit « Regardez, pour un nouvel épisode de Batman dans le prochain mois. Voilà, vous pourrez dire que vous savez c'est quoi l'histoire de Batman, la première apparition, mai 1939, c'était très plate. J'ai payé 7,99$ qui donne 10,50$ à peu près canadiens. C'est quoi qu'il y a d'autre dans la revue? C'est une revue sur des détectives, ben non, qui a rapport au mystère. Il y a un autre bande dessinée qui s'appelle Spy, l'espion. L'autre, c'est The Crimson Avenger, je connais pas. C'est quoi d'autre? Il y a une histoire en deux pages. Ok, il y a une histoire de Bruce Nelson. C'est tous des héros que je connais pas. Peut-être ça vous dit quoi à vous autres. Un autre qui dit le mystérieux docteur Fu Manchu. Fu Manchu, ça me dit quoi, mais je sais pas. Hey, c'est tellement mal dessiné et laid. On dirait que c'est dessiné comme Bécassine. Je sais pas si vous connaissez, vous avez la référence de cette BD-là. Bécassine, c'était une bande dessinée ancienne, assez vieille en France, mais elle était pas dessinée dans des cases carrées, il me semble. Elle était dessinée dans des ronds avec le fond du rond. Elle était un peu coloré, puis Bécassine puis ses aventures étaient dessinées par-dessus ce rond-là. Puis ça donnait un résultat très moche. Même quand j'y vois les BD de Bécassine en vente pas cher, je les achète pas, même si je sais qu'ils sont anciennes. Là. C'est trop moche à lire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la revue? Oh, il y a la BD Cosmo. Le fantôme de tous les déguisements. Ça, c'est Cosmo, je connais pas. Ah, puis il y a un autre. Ah, celle-là, je l'avais vu tantôt. Je l'avais ouvert par hasard. Puis ça s'appelle Plain Clothes Pete by AG. C'est tous des gros monsieur dans des gros manteaux. Puis ils ont l'air à se promener au parc. Puis il y a une BD de 2-3 pages là-dessus. C'est moche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, c'est ça. Bon, ben c'est fini pour Détective Comic numéro 27. Hey, je serais déçu, hein? J'ai regardé combien ça vaut ce premier numéro-là. Là. Moi, c'est évidemment, là, je viens de l'acheter. Ils font ça de temps en temps. Ils réimpriment les vieux comics pour donner une chance aux gens qui les collectionnent de les acheter pour les avoir dans leur collection, vu qu'ils ne sont pas capables de se payer le numéro 1. Mais ils font pas ça souvent. Comme j'ai acheté le premier Spider-Man et le premier Superman. Mais quand ils le font, ils font juste une fois, ils le refont pas. Mais tantôt, quand j'ai acheté Batman, j'ai demandé à mon ami Martin là, s'il voulait que j'y achète aussi en même temps. Puis il m'a dit non, il dit je l'ai déjà dans une revue qui contient, qui avait été faite pour le 80e anniversaire, qu'il me disait. Donc de temps en temps, il les réimprime. Mais bon, là, c'est la première fois qu'ils le refont en format détective comique. Fait que là, je suis content, j'ai quand même les trois. J'ai Spider-Man numéro 1, Superman numéro 1, puis j'avais pas Batman numéro 1. Fait que là, je remets ça dans un plastique, puis il s'en va dans ma collection de choses que je regarde pas vraiment, mais que j'ai juste le plaisir d'avoir. Ces numéros-là, évidemment, ils prennent beaucoup de valeur. Parce que ils devraient pas le réimprimer. Ils viennent de le réimprimer, mais je pense pas qu'ils réimpriment le numéro 1 avant une trentaine d'autres années. Ce numéro-là va valoir sûrement 50$ là, assez rapidement. Voilà! Donc, on va partir en musique. J'ai encore plein de choses à vous jaser. À côté de moi, j'ai mon catalogue Canadian Tire. Là, on va le feuilleter ensemble, puis j'ai plein d'autres sujets. Donc, on part en musique, puis au retour, la suite du Lobster 150. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. Trois passions, la danse. raison. Vanessa, si je peux me permettre une question, tu as l'air très grande en taille, tu mesures combien? Très grande, non, 1m67. Ah, de naine et demi. Ouais. Et pas toi, tu es où, toi? Moi, je suis à Paris, mais c'est non, parce que j'ai un autre métier, c'est de la déformation professionnelle, j'analyse les tailles des gens, parce qu'avant, j'étais performeur dans l'UX, spécialiste en personnes de petite taille, on m'appelait le foudroyeur de naine. C'est vrai? Et du coup, j'ai gardé ce petit réflexe de la taille des gens. T'as quel âge? Je vais avoir 34 ans en fin d'année. Ah, tu fais plus jeune. C'est le jus de fourmi, ça conserve très bien. Ouais. Tu vas me dire, tu prends du jus de fourmi, genre. Alors, c'est le tout premier jus de fourmi pour les sportifs. Ah ouais? Oui, enrichi en protéines, on a l'équivalent dans 50 centilitres de 2 steaks. Ouais. C'est incroyable, le jus de fourmi. Je ne fais plus de sport. Ça fait 6 mois. Regarde le physique que j'ai conservé grâce au jus de fourmi. Ouais, franchement, bravo, hein. Bon jus de fourmi. Bah oui. L'apparence, bon, comme quoi que l'apparence est très trompeuse dans la vie, tu vois. Ne vous fiez pas aux apparences, ouais, vraiment. Très bien les enfants, maintenant mon boulot est de vous enseigner la théorie de l'évolution. Oh mon Dieu. Je suis de celles qui pensent que cette théorie est un ramassis de conneries. Mais je dois vous en parler malgré tout. Elle fut élaborée par Charles Darwin et ça donne à peu près ceci. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil, ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe-poisson-grenouille, et ce singe-poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mes félicitations. Ah, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Coucou Hibou, qui c'est que revoilou? C'est Josiane, Josiane Pichet. Comment ils vont mes petits châtaigniers? Vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer vos vidéos de danse de forêt et à m'identifier sur des publications où des hommes se frappent le torse nu avec des branches de sapin. Arrêtez ça s'il vous plaît, c'est pas du tout mon délire. Moi je suis full châtaigne. Bon, je crois que je n'ai pas mesuré toutes les conséquences de mon enseignement de la danse de forêt. Autant je pense que les gens du 77, de manière générale, appliquent plutôt bien les consignes. Je pense à Christophe, à Lieusain ou à Armel qui habite à Vers-Saint-Denis, à côté de la concession Volkswagen de Michel. Mais pour le reste de la France, c'est une catastrophe. Tenez, regardez-moi ça. Josiane Pichet, merci. Tu nous as ouvert la voie de la danse de forêt. Et comme vous le voyez, avec Martin, nous dansons la danse de forêt de vacances. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon Martin, pardon Nicolas, mais le compte n'y est pas. On parle de danse de forêt, pas danse de parking sur une aire d'autoroute. Et puis Nicolas, c'est quoi ces appuis? Tu veux que je te dise? Tu danses pas la forêt, tu fais semblant. Moi j'aime la sincérité, et là j'ai quand même l'impression que vous avez voulu jouer au petit malin. Et ça me semble bien légitime que je vous tire les oreilles. Pour la peine, vous allez m'envoyer des vidéos où vous danserez correctement. Sinon c'est moi qui vais venir vous fouetter le torse. Salut, salut, c'est Fabien. Et que viva le Temesta. Désolé de vous avoir fait attendre, mais j'ai été victime d'usurpation d'identité. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je suis officiellement le vrai Michel Sardou. Cet été, j'avais réussi à décrocher de la saucisse. J'avais peur de l'abandon, mais je me suis dit, c'est pas la saucisse qui me quitte, c'est moi je quitte la saucisse. Bon, après, le problème avec l'addiction, c'est qu'il suffit que le voisin fume une saucisse pour que l'odeur donne envie de replonger. Saloperie de saucisse, que des putes. Sinon, j'ai suivi de ouf les Jeux Olympiques et Paralympiques et ça m'a donné une idée, les Jeux Parasaucisses. Alors voilà, les Jeux Parasaucisses, c'est une épreuve de lancer de saucisses en fauteuil et moi j'aime bien... Est-ce que vous savez ce que commande Dark Vador à la boulangerie? Des viennoiseries en forme de tub? Ça m'excite. Non, 3 pains et 2 grosses tartes tatin. Une tarte tapin? C'est genre une tarte que tu peux t'enfiler moyennant paiement? Non, sérieusement, pourquoi 3 pains et 2 tartes tatin? Ben parce que pain, pain, pain, tarte tatin, tarte tatin. dans ce Lobster 154.0. On vient d'écouter des petites vidéos là, que j'écoute parfois dans Facebook. Des vidéos, j'imagine, qui viennent de TikTok. Ou je sais pas où. Mais c'est ça, quand il y en a qui sont drôles, ben je m'y renvoie par courriel. Puis là, quand j'enregistre le Lobster, je me disais toujours, faut que j'y mette. Puis là, bon, j'ai pris le temps de vous en mettre quelques-uns. J'ai mis ceux qui me font rire le plus, qui me font le plus rire. Par exemple, Josiane Pichet, là, c'est celle qui fait la danse de forêt. Ça, c'est bon, là. Puis évidemment, ça, tout est faux. La dame qui danse dans la vidéo des Josiane Pichet, c'est une danseuse tchèque. Puis la voix qui est utilisée par l'intelligence artificielle, je pense, c'est une ex-députée en France qui s'appelle Christine Boutin, d'après ce que je lis sur l'article. Puis c'est ça, le monsieur qui met ça en ligne, là, les Josiane Pichet, il dit que sa première vidéo a été vue 3,7 millions de fois. Donc ça a pogné. Après ça, il y a eu le remix de la chanson que je vous ai mis. Là. Ça, c'est quand même assez récent. Donc voilà pour Josiane Pichet, c'est un que j'aime bien. Puis Fabien Saucisse aussi. Là, Fabien, je l'avais mis dans l'autre vidéo, mais c'est con. Là, c'est quelqu'un qui niaise en disant qu'il prend des médicaments pour la dépression. Puis pendant ses temps libres, tout ce qu'il fait, c'est jouer avec des saucisses. Là. Il y a des ramasses saucisses, des ventilateurs à saucisses. Il fait juste des vidéos idiots avec ça. Puis quoi d'autre? Ah oui, il y a le vidéo de l'évolution. Ça, c'est un extrait de South Park. Tu sais, le poisson qui encule un écureuil puis qui donne l'humain, c'est le professeur Garrison qui explique l'évolution, la théorie de l'évolution là, aux enfants là, à l'école. Fait que voilà, c'était des choses qui me font bien rire. Sinon, tantôt, je vous ai parlé de la recette que j'ai faite puis que j'étais allé chez TNT Market, mais la vraie raison pourquoi j'étais allé chez TNT Market, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est à cause des litchis. Moi, je suis un gros amateur de litchis puis c'est la saison en ce moment. Là, c'est une nouvelle sorte qui est disponible en ce moment, c'est les ramboutans. C'est des litchis chevelus. Ça ressemble à une affaire extraterrestre. C'est comme une boule avec plein de poils autour, là, plein d'excroissance. Ça ressemble. Ben, si ça serait dans l'eau, je vous dirais que ça ressemble à un oursin, mais là, ça pousse dans un arbre. Puis celui-là, les ramboutans, ils ont la particularité qu'il ne faut pas manger l'écorce, le tour, parce que c'est toxique. Puis ça, moi, je l'ai appris un petit peu après, j'avais déjà un sac de manger, parce que moi, j'ai l'habitude, j'y croque avec ma bouche pour faire un trou dans l'écorce là, du tour. Puis après ça, ça me permet de l'ouvrir, mais bon, j'ai arrêté de le faire quand j'ai lu que c'était toxique, là, puis je cherchais le nom du fruit. Là, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Là, je mange les vrais litchis, je mange les ramboutans, puis il y a les longs gammes aussi. Ceux-là sont ronds. Puis ça, dedans, le noyau, il est gros. Donc, les longues gammes, il n'y a pas grand-chose à manger. Mais bon, quand il y a juste ça, c'est ça que j'achète. Mais ceux-là, ça vaut moins la peine. Fait que si vous en achetez, essayez toujours d'acheter des vrais litchis. Soit les chevelus là, que je mange en ce moment, les ramboutans, ou les vrais, qui sont délicieux. Sinon, faut que je fasse un petit retour sur mon affaire d'artefacts maudits. Vous savez, là, le chapelet que j'ai volé, que je vous parlais dans le dernier épisode, à Notre-Dame de Lourdes, là, à Rigaud. Bon, même si je l'ai fait sacraliser, là, je l'ai fait bénir par le curé, je pense que ça reste un artefact maudit quand même. Parce que là, bon, moi je me suis mis à la marche, là, je fais les médailles Conqueror, puis j'ai terminé ma première médaille, celle du comté. J'ai marché 233 km, puis ensuite je me suis mis sur la marche, sur la médaille de la Roumanie, là, c'est un peu le circuit où que Dracula a eu son château. Ça, c'est encore plus tard. Mais là, j'étais rendu à 350 km de marché en 2 mois. Puis là, paf! Bon, j'ai une jambe qui a lâché. Ça, c'est sûrement à cause de... C'est Dieu qui me punit d'avoir volé son artefact, d'avoir volé le chapelet. Bon, j'étais allé voir mon médecin. Puis j'ai un muscle sur le côté gauche de la jambe qui... j'ai une contusion. J'ai trop marché. Je marchais entre 5 et... Ben, ma moyenne était d'environ 6 km par jour. Mais là, il y a des journées que je marchais 15 km. Puis je me suis brisé un muscle. Là. Fait que là, le médecin m'a dit d'aller faire de la physio. Ils ont pris des radiographies pour être sûr que j'ai pas rien de cassé à la hanche ou à la jambe. Vu que j'étais tombé en forêt, là, j'ai raconté qu'il y avait quelque chose qui m'avait retenu la jambe, puis j'étais tombé. Mais vu que c'était arrivé pas mal avant, je me doutais que c'était pas cassé. Parce que ça fait un mois de ça, puis la blessure à ma jambe, ça fait 2 semaines là, qu'elle est arrivée. Mais bon, le médecin m'a pas rappelé suite aux radios, ça fait que j'imagine que j'ai rien de cassé. Ça fait que là, je dois faire de la physio, mais je pense pas aller en physio non plus. J'ai arrêté pour prendre un rendez-vous, puis ils ont de la misère à me trouver une place. Fait que là, de la merde. Je me suis dit que j'allais, bon, juste faire attention. Fait que là, j'ai recommencé à marcher. Les premiers jours, je marchais, je faisais juste le tour de la maison, 750 mètres, à peu près 1 km, faire le tour de mon petit coin à moi. Après ça, j'étais allé un petit peu plus loin, j'allais à la bibliothèque, 1,5 km. Aujourd'hui, je me suis rendu au parc en marchant puis en revenant, mais il faut que je marche tranquille, faut que je peux pas aller vite. Puis après ça, j'ai voulu refaire une deuxième sortie aujourd'hui en me disant je vais retourner à la bibliothèque en plus, mais là, ma jambe a dit non, tu restes à la maison. Fait que j'ai juste fait le tour, mon petit 1 km qui fait le tour du quartier. Quand j'ai vu que ma jambe chauffait, je suis revenu chez moi. Fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai marché 3 km environ. Fait que c'est ma limite en ce moment. Fait que je vais prendre le temps qu'il faut pour guérir mon muscle qui a un bobo. Sinon, de quoi d'autre que je voulais vous parler? Ah oui, récemment, vous savez que j'adore aller chez Renaissance pour acheter des livres ou acheter toutes les choses intéressantes qu'on peut y trouver. J'ai trouvé, je sais pas, j'en ai-tu parlé, du nouvel artefact maudit que j'ai trouvé. C'est un... Oui, j'en ai parlé, l'affaire qu'on tourne, puis que je peux lire le passé, avoir des réponses au travers. Bon, ça, j'en reparle pas. Mais ce que je voulais vous parler, c'est que la semaine passée, en allant justement chez Renaissance, j'ai trouvé des cassettes Atari pour mon vieux Atari. Moi, Atari, c'est la première console que j'ai achetée, j'en ai déjà parlé. Puis, bon, je l'avais revendue à mon cousin pour m'en racheter un Nintendo à ce moment-là. Mais bon, j'ai racheté l'Atari, vous savez, j'en ai parlé dans un autre Lobster. J'essayais de finir Pitfall, mais Pitfall, bon, il me reste, je suis pas assez rapide. Il me reste 3 tableaux, mais je manque de temps. Il me faudrait 10 secondes de plus. Mais là, essayer de perdre mon temps là-dessus pour aller gruger 10 secondes juste pour dire que j'ai fini Pitfall, j'ai abandonné. Mais là, c'est ça, j'ai trouvé chez Renaissance. Le gérant du magasin, il m'a vu arriver et il dit « J'ai amené des cassettes Atari que j'avais à la maison, ils sont en vente si tu les veux. » Puis là, j'ai regardé en arrière du comptoir, il y avait plein de cassettes puis ils avaient mis juste à 3,25$ les cassettes Atari. Ah non, est-ce que ça vaut plus? Ouais. Ben, les bonnes, ça vaut plus, mais là, c'était quand même des bonnes cassettes. Il y avait Zaxxon, c'est mon préféré, c'est le petit vaisseau là, qui est comme 3D, puis tu voles dans les airs, puis là, tu détruis des boules à terre, des affaires. Ça, ce tableau-là, de Zaxxon, le premier tableau, moi, avec mes amis, on a bloqué, je pense que j'en ai déjà parlé, on a bloqué, puis on a bloqué là, pendant des jours à essayer de comprendre. Le jeu commence, puis... Pour commencer le jeu, il faut que tu traverses bon, le début. Comme dans le premier tableau, tu n'as rien à faire sauf tuer, je pense, un monstre. Puis après ça, tu arrivais à une barrière qui était comme transparente. Puis on ne comprenait pas comment traverser cette barrière-là. Puis on y arrivait des fois. Puis à un moment donné, j'ai réussi à le passer. Moi, c'est quand on jouait quand j'allais chez mes amis. Là, c'était pas chez nous. C'était sur leur Coleco. Puis finalement, il fallait passer en dessous de la barrière. Mais avant qu'on allume que c'était ça, il nous a fallu tellement de tests et erreurs inutiles où on abandonnait, on changeait de cassette. Puis on jouait à Donkey Kong parce qu'on disait que Zaxxon, c'est pas le fun. Mais c'est ça, le jeu commençait par quelque chose de difficile. Pour nous, qui était difficile, puis qu'on comprenait pas. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas Internet pour aller voir c'est quoi la solution. Fait qu'on comprenait juste pas. Puis, on était jeunes aussi, là. Mais une fois qu'on a eu compris ça, ben là, le jeu est devenu le fun. Tout le fun était après sa première étape-là. Fallait juste passer en dessous de la barrière. Puis là, le jeu commençait. Les monstres arrivaient. Il y avait plein d'obstacles. Puis, bon. Dans ma tête à moi, c'était un des bons jeux avec Dig Dug. Puis, sinon, c'est ça, je disais, chez Renaissance, là, je viens d'acheter. Je vais y aller par cœur, mais j'ai acheté Sword Quest. J'ai acheté Venture. Ça, c'est toutes des affaires qui ont l'air d'être des quêtes. J'ai racheté Zaxxon, mais pour Coleco. Là, j'ai pas de Coleco. Mais bon, si je trouve un Coleco, je vais pouvoir jouer. Quoi d'autre j'ai acheté? Bon, en tout cas, j'en ai acheté 7 ou 8. Fait que du plaisir à venir. Sinon, quoi d'autre? Bon, j'ai perdu 10 livres pendant 2 mois, là, pendant que j'ai réussi à marcher. J'ai quand même perdu un beau 10 livres, mais bon, là, je fais toujours attention à mon alimentation, mais là, vu que je marche pas autant, j'espère que je reprendrai pas le poids. Donc, en tout cas, je vais essayer d'être gentil avec Dieu pour qu'il arrête de me punir. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'avais dit que je vous parlerais du catalogue Canadian Tower. Je l'ai à côté de moi. Ça, c'est, j'ai payé ça 4$ quand j'étais allé chez Comic Hunter. Puis ça, c'est toujours intéressant de voir les prix. Ça, c'est automne-hiver 1971-1972. C'est en noir et blanc. Non, c'est du 8 couleurs. Il y a 8 couleurs. Il y a les couleurs de base, puis c'est tout. Bon, si on regarde, OK, aujourd'hui, les pneus. Bon, les pneus d'hiver. Snow Traveled, des pneus double pli nylon. C'est juste le fun de voir les prix dans ce temps-là. C'était 13,65 $ du pneu. Ça, c'est les moins chers. Parce que j'en ai vu qu'il y en a à 25 et 25. Mais là, hey, moins. OK, il y a une remise en argent comptant. Tu peux avoir les pneus d'hiver 12,97 $ chacun. C'est du 13 pouces. Bon, quand même. Si on ouvre une autre page au hasard, on va lâcher les pneus juste pour aller voir. Moi, ça me fait triper de voir ça. Mais ce que je remarque dans le catalogue Canadian Tire de cette année-là, c'est qu'il était beaucoup plus axé sur la voiture. Il y a une section complète sur la voiture. Il n'y avait pas comme maintenant des friteuses, des affaires, des machines à café, puis toutes les gogosses qu'ils nous vendent. C'était vraiment axé sur le jardinage puis la voiture. Sinon, bon, c'est le fun de voir ça. Là. On voit les vieux radiocassettes qu'on mettait dans les vieilles voitures, là, qu'il y avait dans le Buick à mon père. Ben oui, c'est beau. Ça coûtait combien? Un jeu de haut-parleur stéréo, 12,98 $ pour la voiture. OK, le mini-radio pour l'auto. Bon, fait que c'était comme un radio de luxe. Tu pouvais enlever ton radio dans la voiture, mais celui-là, il pouvait prendre les cassettes. Tonalité réglable, sélecteur micrométrique, cadran lumineux, prise de haut-parleur auxiliaire et accord d'antenne à l'arrière. 26,95 $. Ah, c'est quand même pas cher. Mais c'est ça, c'est avec qui je parlais ça? C'était avec mon père, mais il me disait, dans ce temps-là, on gagnait 3,25 $ ou 3-4 $ de l'heure. C'est normal que les choses coûtent ce prix-là. Oh, des lampes de poche. Lampes de poche en métal, des belles lampes de poche pour tous les usages. 59 $. La plus chère est une grosse Captain Everready, une lampe d'excellence. Qualité à boîtier chromé et à aimant fixe pour l'interrupteur, 3,29 $. Ça, c'est la plus chère, mais la moins chère est 50 $. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Bon, oh, pour les dames, soyez à la mode avec de fameux pro portatifs. Fait qu'il y a des machines, j'ai l'impression que c'est pour faire les ongles. Ou, ah non, c'est des kits de bigoudi. Tu sais, pour se bigouder les cheveux, là, se mettre les cheveux qui twistent. Combien ça coûtait? 39,95 $ pour un nécessaire de mise en pli, un miroir éclairé de 10 pouces 3 quarts par 5 pouces et quart en mallette en plastique. Les boucles se font à sec, n'importe quel genre de cheveux ou de perruque. 20 rouleaux, il y a 6 très gros, 10 gros à petit. Il procure une mise en pli rapide à chaleur contrôlée avec lampe témoin et arrêt automatique à la fermeture du coffret. Ça, c'est la section pour dames. Ben, je disais tantôt qu'il n'y a pas d'affaires de machine à café. Ben, là, j'ai l'impression que oui. Bon, les aspirateurs, 38,88 $ pour un aspirateur très économique. C'est un Shetland. C'est des marques que je connais pas. Là. Mais c'est les vieux appareils qui ressemblent. Ma mère avait ça à la maison. Ben oui, Shetland Lewitt. C'est comme une. Ça ressemble à une valise avec des roues. Puis on pouvait promener ça dans la maison. Après ça, les horloges, il y a des beaux cadrans. Hey, des cadrans, c'est kitsch là, de 1971. C'est des réveils matin mécaniques, 2,98 $. Mais c'est beau. C'est, tu sais, des vieux cadrans comme fait en tôle avec les chiffres tout gros, les grosses aiguilles. Une machine à repasser. Non, ok, ça c'est pour passer du linge. Tu sais, l'affaire sur laquelle on met le linge pour une. Ah, oh, c'est ça, une planche à repasser, 6,99 $. Oh, combien coûtaient les ampoules? Juste pour comparer, ça, c'est quelque chose qu'on... Bon, pour deux bulbes, des 100 watts, maintenant, ça se vend plus. Là. Maintenant, au Canada, on peut juste acheter des Dell. On peut plus acheter les Fort, il me semble. Là. Ils ont arrêté des produits. Si on veut en acheter, il faut aller aux États-Unis. Fait que deux bulbes 100 watts, c'était 2 pour 49 $ dans le temps. C'est un bon prix. Bon, une toilette. Hein? Bon... Une toilette, combien ça coûtait une toilette? La baignoire de 5 pieds, 61 $. Le lavabo, 12 $. Puis la toilette, 37 $. Mais si tu achètes les trois, ils te font ça 95 $. Fait que tu pouvais finir ta chambre de bain pour 95. Ok, on continue à tourner un petit peu. Puis après, on lâche ça. J'essaie de trouver des. Ah, une boîte à lettres. Boîte à lettres en métal, 13,95 $. Ça, c'est la grosse, qui est en métal, comme en argent. Moi, le voisin, il y avait ça. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, j'avais été obligé de m'excuser. Il y a notre voisin, qui, comment il s'appelait, Monsieur Bouchard, il avait une belle grosse boîte à lettres en métal argent. Puis mes amis étaient juste après lui. Fait que pour me rendre chez mes amis, à prendre l'autobus, tous les matins, je passais devant le monsieur qui était le médecin, Monsieur Bouchard. Puis à tous les matins, j'ai rempli sa boîte à lettres de neige, full, full, full. Mais il me voyait pas, il était déjà parti travailler. Puis un matin, ben, je pense qu'il a attendu pour me voir. Puis là, il a appelé chez nous, chez mes parents, j'imagine. Parce que mon père m'a demandé d'aller m'excuser. Puis c'était drôle parce que la menace, mon père, il dit « si tu vas pas t'excuser, tu pourras pas écouter le hockey. » Bon, je suis allé m'excuser, mais c'était pas à cause du hockey. J'ai jamais aimé le hockey. Tu sais, je sais pas, j'écoute pas le hockey. Mais c'était la menace, si j'allais pas m'excuser. J'écouterai pas l'hockey. Mais bon, je l'ai fait, je me suis excusé, puis à partir de ce moment-là, je n'ai plus rempli sa boîte à lettres. Hey, c'était long la remplir, hein? Ça me prenait 5 minutes chaque matin, parce que c'était des grosses, grosses boîtes aux lettres. Là. Ça permettait de recevoir des colis aussi, j'imagine que lui recevait des choses, mais bon, il pouvait pas recevoir grand-chose, j'ai rempli sa neige chaque matin. Ok, on continue. Ça me rappelle des souvenirs, c'est drôle. Vieux catalogue. Ok, là, on est dans les outils électriques. Une scie circulaire, tu sais, tout le monde a ça, là, une scie circulaire Mastercraft, dans le temps, 30,95. Ah, une scie à chaîne Remington, qui pèse juste 6,5 livres, 136$. Moi, j'ai payé la mienne, combien? 2,95 pour ma STIHL. Fait que ça a triplé de prix, là, depuis le temps. Maintenant, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a toutes sortes de cochonneries pour peinturer, des pots de peinture. Ça, c'est moins. C'était combien du galon? 5,99 un galon de peinture, la marque Blend Dit. Quand même. Ah, mais après ça, ils ont eu Sico. Oh, les beaux bicycles. Oh, ça, c'est magnifique. T'sais, imaginez-vous les bicycles des années 70 avec des sièges bananes. Ben, eh bien, ce bicycle-là, pour enfants, avec le gros siège banane, puis avec les poignées recourbées, c'était pour les enfants de 5 à 8 ans, c'était 35$. Puis pour les plus grands, là, pour un petit peu adultes, c'était 40$. C'était 5$ de plus si tu veux un gros cadre. C'est quand même quelque chose. Ah oui, ça me rappelle un souvenir, les bicycles. Mon père m'avait raconté qu'eux, il y avait un bicycle, il habitait en campagne. Mais le premier bicycle qu'il y avait, ben, c'est ce qu'il m'a dit, là, la roue était en bois. Puis à un moment donné, j'imagine que c'était un bois qui était fixé en rond, puis avec des crampes ou tout ça. Puis ça s'est défait. Puis le pneu a lâché, puis il est venu claquer dans le derrière de la tête de mon grand-père. Puis là, mon grand-père, il pensait que c'est quelqu'un qui venait d'y tirer une roche. Puis il avait chialé. Mais bon, finalement, c'était juste le pneu qui avait lâché, le pneu en bois. Il me semble que c'est ça l'histoire. Mon père m'avait raconté ça il y a longtemps. Là. Faudrait que j'en vérifie avec lui. On continue. Oh, là, il nous montre des beaux bicycles encore avec le siège banane, mais là, le siège en arrière, il est comme dans la guerre des BMX. Il monte haut, haut, haut. Tu peux accrocher comme des affaires qui volent en arrière. Ah, c'est magnifique. Ils sont 67$. C'est des Cougars superbement profilés. Comment ils décrivent? Très populaires à tout point de vue. Nouvelles couleurs rouge feu et bleu métallique. Ils sont vraiment beaux. Sa base démultiplication, son court empattement, ses petites roues et sa belle base en accroissent la maniabilité et la sécurité. Cadre de 15 pouces, garde-boue cycloman, chromé, c'est écrit cycloman, hein? Et barre protectrice chromée, guidon triplement chromé, poignée en vinyle. Les poignées sont rouges, sont belles, puis sur le bleu. Il n'est pas dessiné le bleu. Des jantes chromées. Voyons, tout est chromé sur ce bicycle-là. En tout cas, c'est écrit le wedge, le vélo futuriste. C'est magnifique. Un 10 vitesses, 78$. Oh, là, on arrive dans les petites voitures pour les enfants. Il y a les express. Là, un express, là, c'est l'affaire que tu mets du stock dedans et tu le traînes. C'était 13$ dans le temps. Il y en avait des bleus et des blancs, des rouges. Mais il y a comme les petites voitures que maintenant, là, c'est des voitures de collection. Ça ressemble à la New Beetle, là, à la coccinelle. Elle est toute rouge. Puis on dirait qu'en arrière, on peut relever pour fermer le capot, refermer le toit. Bon, ça ne devait pas bouger. Là, c'est juste décoratif. Mais c'était 13$ ces voitures-là. Maintenant, ça se vend cher dans les encans. Il y en a une, c'est sur le modèle des pompiers. Puis elle a comme une, c'est marqué Fire Chief sur le côté. C'est beau. Fait qu'il y a le modèle décapotable Volkswagen. Il y a la luxueuse voiture de chef pompier. Elle est plus chère un petit peu, elle est 22$. La Volkswagen est à 18$. Puis l'autre, c'est voiture chef de pompier. Fait qu'il y en a une deuxième. Mais ça, elle n'est pas luxueuse. Elle est juste 13$. OK, fait que la belle version est 22$. Puis la cheap est 20. Après ça, les bicycles à 3 roues. Ils sont pas chers. Comment qu'ils l'appellent? Trimasque, 18$. Mais ça, c'était pour les petits. Bon, là, on arrive dans les patins pour les femmes, 15$. Les patins pour les hommes, oh, ils sont tellement laids. C'est des patins CCM avec une grosse lame. Ils sont en cuir brun pour les hommes ou noir. Fait que tu avais deux choix, là, tout noir ou noir avec du brun ou ce qu'il y a les lacets blancs. Puis en arrière, c'est 70$ pour des Tackerberry CCM. Après ça, il y a des chandails de hockey aux couleurs des Canadiens, des Leafs, des Boston ou Chicago. C'est les équipes qu'il y avait, c'est 4,29 du gilet. Ils sont beaux, mon Dieu que c'est beau. Et quoi d'autre? On arrive à la fin. On arrive dans les carabines, pour ceux qui sont intéressés. Justement, parlant de chasse, j'en ai-tu parlé? Je ne sais pas si je n'ai parlé, mais en tout cas, il y a un orignal qui a été tué là, dans notre vignoble, au terrain du chalet. Là. Il y a une journée, mes parents n'allaient pas... je pense qu'ils allaient en ville, fait qu'ils ont dit à mes cousins là, de venir faire un tour sur le terrain, vu que mon père avait vu des... Je pense qu'il avait vu des pistes d'orignal. Puis là, quand mon cousin est arrivé, ben juste en arrière du chalet, il y avait un mâle et sa femelle. Puis cette année, là, les permis donnaient le droit, ben les permis que mon cousin avait donnaient le droit de tuer le mâle. Donc, ils ont tué un beau mâle de 2 ans. C'est un jeune de 2 ans, je pense. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup de viande, mais c'est surtout que ça fait une belle chasse. Quand tu n'as pas besoin d'aller chercher l'orignal en plein milieu du bois, dans une montagne, c'est compliqué là, que tu es obligé de transporter ça dans des packs-sacs sur ton dos ou de te faire un chemin. Là, ça devient bien compliqué. Mais là, cette année, ils ont tué direct en arrière de notre chalet dans le chemin. Fait que, puis là, mes parents me disaient que bon, les femmes sont venues avec les enfants, sont venues voir ça. Fait que c'est cute. C'est le fun de faire une belle chasse comme ça. On est dans les fusils. Pour ceux qui s'intéressent, moi, c'est les 12 à pompe qui m'intéressent. Est-ce qu'il y en a? Là, on est dans les carabines. OK, dans les fusils. Et un fusil CIL avec un canon, c'est du 12, ouais, c'est ce calibre 12. 33$, un 12 à pompe. Attends, c'est le numéro 6. Ben oui, un Mossberg de 12. Tu pouvais l'avoir en format en calibre 12 du .20 ou un 410, mais c'est 89$. Mais sinon, tu peux avoir un 12 normal, un coup, 33$, mais à pompe, c'est 89$. OK. Ça ressemble vraiment à celui que j'ai. Moi, j'ai le... C'est-tu un Mossberg, le mien? Fait qu'il y aurait... Moi, je l'ai acheté de la voisine, mon 12 à pompe, quand j'étais au Saguenay. Il me semble que c'est ça, puis je l'avais payé 200$. Ouais. Bon, une carabine. Mon père, lui, il a une 308, puis une 308, ça c'est la 9, puis on a une autre plus vieille, je me rappelle pas du calibre. Si on regarde pour une 308, y a-tu 308? Oui, 172$, c'est quand même assez cher. Mais ça, c'est beau, les carabines, parce que les carabines, c'est comme dans les films de western. Ça, quand tu veux faire sortir ta cartouche, tu descends par en bas, puis tu recrinques. Fait que c'est comme dans les films, tu peux faire tchic-tchic. En tout cas, moi, je trouve ça beau, là. En tout cas, là, il me semble que c'est... Es-tu comme ça, carabine à mon père? Je pense que oui. Voilà! Ça fait le tour. On arrive dans les couteaux, dans les haches. Combien coûtait une hache? Une hache de avec un manche de 15 pouces, 2,59. Un couteau de poche, 98 cents. Une canne à pêche de 27 pouces, 1,49. Mais voyons, tout est pas cher. C'est vraiment beau. Oh, on arrive dans les imperméables, dans les bottes de pluie. Les gros sacs à dos, là, comme en tissu vert, il était 4,29. On en voit en serre encore en vente, mais ça coûte plus cher. Ben, ils en font encore, c'est plus cher. Les skis des jeunes, bon, ça coûte un ensemble de débutants, c'est 4,98, tout compris. Ou si on va dans les adultes, celui de plus qualité, c'est des Porlon Base, 69$. Et voilà, on a fait le tour de mon catalogue. Le catalogue termine avec une page qui ouvre, ils vendent des habits de skidoo, 38$. Puis ils vendent des traîneaux. Les traîneaux sont combien? En, les beaux traîneaux, c'est numéro 4 en bas. Traîne familiale de luxe. Ça, c'est celle qu'il y a 1, 2, 3, on peut s'asseoir au moins 4. 4,49. Voilà. Donc, on a fait le tour de mon beau catalogue Canadian Tire des années 71 et 72. Donc voilà, on part un petit peu en musique, puis au retour, j'ai encore plein de choses à vous jaser. À tantôt! Et justement, parlant de musique, on vient d'entendre de Claude Pelgag avec la chanson « Libre ». Parlant de musique, justement, moi, mon cours de piano est redébuté. Là, c'est la session, la nouvelle session est débutée. Et j'ai terminé d'apprendre la chanson « Plus tôt » d'Alexandra Strelinsky. Puis là, je suis fier. Ça m'a pris quand même 14 semaines. Oui, 14 semaines pour apprendre la chanson. C'est combien ça? C'est 3 mois et 2 semaines. C'est une chanson quand même que je regardais sur Internet. Elle est classée intermédiaire 4. Il y a des niveaux là, au piano. Là. Tu peux être débutant 1, 2, 3, 4. Intermédiaire 1, 2, 3, 4. Puis après ça, tu tombes dans avancé. Puis ça, elle était intermédiaire 4 là, selon ce que je vois. Moi, ça m'a pris... Ben, en fait, le classement, c'est pour dire, en deux mois, disons que je suis rendu intermédiaire 4, en deux mois, je devrais être capable d'apprendre une chanson, je pense, de ce niveau-là. Mais moi, je ne l'ai pas appris en trois mois. Je l'ai appris en 14 semaines. Ça m'a pris quasiment le double du temps que ça devrait prendre. Probablement que je ne suis pas encore de ce niveau-là, mais j'ai quand même maîtrisé la chanson. J'ai eu ma gommette, là. Ma professeure a même mis mon petit collant pour dire, ben, celle-là, c'est terminé, tu la maîtrises. Puis là, maintenant, je suis en train d'apprendre Imagine de John Lennon, puis j'imagine qu'au prochain cours, vu que je viens d'en terminer une, on va en embarquer une autre. La prochaine que je vais apprendre, c'est encore du Alexandra Strelinsky, mais celle-là, c'est classée avancée. Elle a 5 pages. C'est pas le nombre de pages là, qui fait peur, c'est les notes qu'il y a sur la partition. Je l'ai imprimé pour la regarder, puis oh là là. Ça commence, c'est une fugue. Mais pourquoi on l'écoute pas? On va en écouter un petit bout juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis bon, c'est complexe, là, ça commence vite puis ça arrête pas tout le long. On écoute un petit bout juste pour vous montrer. Là, ça risque d'être ça la prochaine que j'apprends, le niveau avancé. C'est quand même très beau comme chanson. Ça va être compliqué à apprendre, mais je pense que, bon, je verrai avec mon prof si elle pense que c'est mon niveau. La chanson s'appelle Burnout Fugue. Mais ça, cette chanson-là est classée dans Avancée, comme je vous disais. Puis là, c'est ça, je me suis pris un... J'ai vu que Alexandra terminait sa tournée mondiale. Bon, elle est montréalaise. Et elle termine à la Place des Arts sa tournée en janvier. Donc, je me suis acheté un billet pour aller la voir. Je l'avais manqué quand elle est passée à Valleyfield. Moi, j'aurais aimé mieux aller en région. C'est moins dangereux qu'aller à Montréal. J'aime plus Montréal. Surtout le soir, là, ça ne me tente pas d'aller à Montréal le soir. Mais là, j'ai vu que Alexandra Strelinsky faisait un spectacle le dimanche. Elle le fait à 16h en après-midi. Puis j'ai acheté en même temps ma place de parking à la Place des Arts. Ça fait que je vais juste me rendre en ville. Je me parque à l'intérieur. Je n'ai pas à sortir dehors. Ça fait que c'est bien. 108$ pour le spectacle, 19$ pour le parking. 127$ en tout. Je vais être assis 3e rangée. J'avais le choix entre je voulais être bien placé, les loges où il y avait une belle place dans une loge où, mais j'ai choisi de m'asseoir proche pour la voir vraiment ses doigts jouer. Fait que 3e rangée, puis j'ai choisi d'être dans un ange. Je me suis mis comme à gauche pour être comme dans son côté derrière elle pour la voir jouer. Mais là, je sais pas si comment elle va être placée, là, mais dans la manière qu'il montrait la scène. Avec elle sur scène, je pense que je vais l'avoir joué là. Puis, en tout cas, ça devrait être le fun. Puis c'est pour ça que ça me tente d'apprendre Burnout Fugue, parce qu'elle devrait la jouer. C'est une de ses nouvelles. Elle fait partie de son nouveau spectacle, cette chanson-là. Donc, je devrais. Si je suis en train de la pratiquer encore à ce moment-là, là, on est quoi, octobre, novembre, décembre, janvier ou 3 mois, je pense pas la maîtriser en 3 mois. Si c'est compliqué, ben peut-être que je vais être rendu là. Donc, ça sera le fun de l'avoir joué. Sinon, je viens d'aller m'asseoir au piano. J'ai enregistré un bout de Pluto que je joue, là, d'elle. Je vais vous la faire jouer quelques secondes. Puis après, je vous montre elle qui la joue. Juste pour vous montrer la comparaison, moi, je joue 2 fois moins vite qu'elle. Je ne suis pas encore un professionnel, mais je maîtrise la chanson. Quand je m'enregistre, je crois que je joue la chanson en 7 minutes. Elle la joue en 3 minutes 41. Donc, je suis 2 fois plus lent qu'elle. Mais bon, je ne suis pas encore un professionnel, mais je maîtrise la chanson. Quand je me suis enregistré la dernière fois, j'ai fait 2-3 erreurs. Je m'enregistre encore pour essayer de la faire sans erreur. Puis à ce moment-là, je peux l'envoyer à mes parents, puis à mon frère, pour lui montrer, regardez, je suis capable de jouer la chanson. Mais là, je fais encore 2 à 3 erreurs sur un 4 pages de partition. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis mes erreurs, c'est souvent pas une erreur, mais c'est une lenteur. J'hésite sur jouer une note. Je réfléchis puis je la joue comme il faut. Mais bon, c'est ça, je suis rendu là, mais je suis fier de moi quand même. Je débute, j'ai même pas encore 1 an de piano. Donc voilà, on écoute plutôt que je joue au piano. quoi ça ressemble quand moi je la joue. Et maintenant, on écoute la professionnelle. Que ça vous a permis, je pense, de voir la différence entre le professionnel et l'amateur. Puis moi, c'est ça, c'est drôle parce que dans Audacity, le logiciel que j'utilise pour faire le montage, j'ai comparé les ondes des deux chansons quand moi je la joue, vu que j'ai joué le même bout, puis après ça, je vous ai montré la même chose pour elle. J'ai fait l'exercice d'accélérer mon onde à moi de deux fois pour voir. Puis deux fois pour la première partie, c'est trop rapide. Fait que je suis 1,5 fois, c'est 1,5 à peu près la vraie valeur. Je suis 1,5 fois plus lent pour le bout facile. Mais après ça, quand ça commence à être compliqué et où je dois croiser les mains, c'est ça la complexité dans cette chanson-là. Ma main droite doit passer par-dessus ma main gauche puis aller jouer dans les graves. Ce bout-là, là, je suis, même en doublant, je suis encore plus lent qu'elle. Fait que je joue trois fois moins vite le bout complexe. C'est ce qui fait que les deux mélangés ensemble, je suis à peu près deux fois plus lent là, qu'elle en tout. Mais bon, ça veut dire que j'ai de la pratique encore. Mais maintenant que je la maîtrise, je continue à la pratiquer. Et je vais continuer à la pratiquer, puis je devrais pouvoir accélérer un petit peu. Je ne dis pas que je vais arriver à sa vitesse, mais je vais me rapprocher. C'est ça mon objectif. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est ça. Là, j'ai choisi, je vous ai fait entendre la chanson que j'ai choisie, là, puis que je vais probablement essayer de jouer et d'apprendre. Mais j'avais choisi une autre chanson avant de choisir la fugue. J'avais choisi The Bridge, qui fait partie aussi de son nouvel album, le Néo-Romance. Mais quand j'ai regardé la partition, j'ai vu que dessus, c'était écrit « Use sostenuto pédale ». Puis c'est quoi ça? Ben, c'est une pédale spécifique. Je peux vous lire qu'est-ce que ChatGPT me dit là-dessus. Il dit « La pédale sostenuto est l'une des trois pédales que l'on trouve sur les pianos modernes, notamment les pianos à queue. » Donc moi, je vous rappelle, j'ai pas un piano à queue, j'ai un piano droit de concert chez moi. De 1895, je pense, que je vous ai dit déjà. En tout cas, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est 1800 quelque chose. Là. C'est juste avant 1900. Puis c'est ça, cette pédale-là, c'est la pédale du milieu, mais juste sur certains pianos. Puis mon piano, il l'a. Moi, j'ai un piano de concert droit, puis il y a la pédale sostenuto. Puis ça, contrairement à ce qui est écrit, c'est marqué contrairement à la pédale de sustain, la pédale forte. Ça, c'est la pédale que j'utilise toujours, qui est la pédale à droite complètement, qui prolonge les notes jouées en levant les étouffoirs de toutes les cordes. Comparé à cette pédale-là, la pédale sostenuto, elle, agit de manière plus sélective. Son fonctionnement, c'est le suivant. Je vous lis ce qui est écrit. Lorsque vous appuyez sur une note et enfoncez la pédale sostenuto, les étouffoirs des notes déjà jouées restent levés, ce qui permet à ces notes de continuer à résonner, tandis que les autres notes que vous jouez ne sont pas affectées et continueront d'être étouffées normalement lorsque vous relâchez les notes. Donc, quand on pèse sur la pédale au bout, la pédale de sustain, là, ça se met à vibrer plus longtemps. Mais tout ce que tu joues vibre. Mais si tu viens peser sur la pédale du milieu, le sostenuto, eh bien, ce qui est déjà joué et que tu as les droits dessus et qui sont enfoncés vont continuer à vibrer. Donc, tu peux continuer à jouer d'autres choses. Ceux-là vont continuer à vibrer, mais les nouvelles que tu joues ne vibreront pas. Ils vont faire le son, mais sans vibrer. Donc, c'est ça l'utilité de cette pédale. Il marque dans utilisation, la pédale sostenuto est particulièrement utile pour maintenir des notes ou des accords spécifiques tout en jouant des passages complexes ou des mélodies rapides sans étouffer la résonance des notes que vous souhaitez prolonger. Elle est moins souvent utilisée dans la musique courante que la pédale forte, mais elle permet un contrôle plus précis dans certains morceaux, notamment dans les musiques modernes ou des œuvres de compositeurs comme Debussy ou Ravel. Donc, moi, j'avais choisi de Breach, mais quand j'ai vu qu'il y avait cette pédale-là, j'ai dit, ben, je pourrais pas. Mais vous vous dites, ben, pourquoi tu joues pas? Tu l'as, la pédale, t'es chanceux, t'as un piano de concert droit pour le jouer. Eh bien, c'est parce qu'elle marche pas. Sur mon piano, quand le monsieur il est venu me l'accorder, là, le monsieur gentil, là, que je me rappelle plus son nom, là, mais... Il dit, ben pour l'instant, on va réparer ton piano pour qu'il soit fonctionnel, mais il y a des affaires qui ne marchent pas. Fait que moi, j'ai comme 2-3 notes dans le bout des aigus qui ne fonctionnent pas. On ne les a pas réparées encore parce que je ne me rends pas là. Puis justement, il y a la pédale du milieu. Quand je pèse dessus, elle est décrochée. Quand j'ouvre mon piano, là, que je le défais, puis que je regarde de tout ça, ben elle est juste, elle fait pas ce qu'elle doit faire, la pédale. Elle est dans le vide. Puis, bon, j'ai dit de ne pas la réparer pour l'instant parce que ça coûte des sous. Mais bon, peut-être que je la ferai réparer quand je serai rendu plus avancé. Pour l'instant, je vais juste mettre de côté cette chanson-là là, qui utilise cette pédale-là. De toute façon, tu sais, quand il parle des étouffoirs, moi, j'ai eu une attaque de mythe là, dans mon piano. Il en a réparé certaines. Donc, si on... En tout cas, il y a des petites choses à réparer là, avant que je puisse remettre en état cette pédale-là. Donc voilà, c'est pas mal ça. Hey, on parle de musique cette semaine. Je parle pas souvent, je parle pas souvent aussi longtemps là, de mes choses de musique, mais bon, j'adore ça. Je suis vraiment motivé de jouer au piano. Je veux maîtriser ça et m'acheter là, un synthétiseur Jupiter X qui coûte 5 000 $ pour après ça faire de l'électronique. Le Jupiter X, il y a quoi? Moi, j'ai le piano, il y a 88 touches. Puis le Jupiter X, qui est le plus gros, avec le clavier complet, il y a 61. Donc, j'aurais quasiment tout le clavier. Puis les chansons que je fais en ce moment ne descendent pas assez bas. Fait qu'un 61, je pense que je serais capable de jouer tout ce que j'ai. Mais là, ce qui me permettrait de mettre des beats électroniques puis de tout modifier. Sinon, moi, je pratique les chansons que mon prof me dit de pratiquer, mais je m'amuse aussi. Là, j'essaie de composer moi-même quelque chose, une chanson. Et bon, ça fait des mois que je pratique tout le temps la même affaire, que je joue autour, que ça tourne autour de la même chose. Donc, je vous fais entendre qu'est-ce que je pratique depuis des mois que moi j'ai inventé. Puis bon, je ne l'ai pas encore écrit sur partition. Mais je le pratique, là, puis ça sonne pas mal tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes accords que je pratique, puis j'essaie de rajouter des choses. Donc, juste pour vous montrer là, où est-ce que je suis rendu dans ma pratique. Thank you. voilà, c'est un petit peu ça, là, la chanson que je pratique. Puis c'est le fun de pratiquer ça, tu sais, quand tu essaies de composer. Ce que je fais, comme hier soir, j'ai fermé les lumières. J'ai pas besoin de lunettes dans ce temps-là, tu sais, je lis pas de partition. J'avais fermé les lumières, puis je suis dans le salon, puis je joue dans le noir. Puis je fais juste m'amuser à faire à faire des bouts de cette chanson-là, puis à essayer de trouver des choses qui iraient bien ensemble. Fait que ça avance lentement, c'est pas long, mais je m'amuse avec ces accords-là, puis j'essaie d'en rajouter pour que ça fitte bien, puis je me dis quand j'aurai un synthétiseur avec les effets, je pense que ça peut être beau. Donc voilà, et maintenant de quoi je voulais parler, j'avais d'autres choses dont je voulais vous parler absolument. Je sais pas si vous avez entendu parler de Scavenger Ring, je sais pas la traduction de tout ça en français, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une série de science-fiction pour adultes. Je peux vous lire le Wikipédia, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Scavenger Ring est une série animée pour adultes américaine de science-fiction créée par Joseph Bennett et Charles Hutner. Puis ça a été joué sur HBO Max. Moi, je l'ai téléchargé et c'est magnifique. C'est pour ça que je vous en parle. D'après moi, c'est la série de science-fiction de l'année. Ça n'a aucun bon sens. Eux, ils l'ont sorti quand? Il y a 12 épisodes qui est sorti 19 octobre 2023. Bon, ça ne sera pas la série de l'année. C'est déjà... sorti depuis un an. Ils disent « Depuis sa sortie, la série a été remarquée par la critique pour la qualité de son animation, pour l'atmosphère de ses histoires et pour les écosystèmes dépeints dans ses scénarios. » C'est vraiment magnifique, les décors, les images de cet animé-là. Ça se passe sur une planète. Ben, regarde le synopsis. La série suit les survivants du cargo interstellaire, le Demeter 227, c'est un vaisseau spatial, qui est endommagé, qui s'écrase sur la planète Vesta. C'est un monde extraterrestre avec une flore et une faune abondantes, mais dangereuses. Oui, ça c'est dangereux, c'est le mot à dire. Puis c'est ça, les survivants, ils sont comme partis chacun dans trois pods différents. Puis on suit ces trois groupes-là, là, ça donne rien, je vous lise la suite. Là. Vous irez écouter la série si vous êtes capable. Si vous êtes abonné à HBO Max, ben vous pouvez l'écouter. Sinon, ben c'est de la trouver sur Internet avec les torrents. Puis c'est ça, tout le but de leur quête, c'est au fil des épisodes, ben ils essaient de retourner au Demeter qui est échoué plus loin. Où il y a encore tout l'équipage qui est cryogénisé dedans. Parce que ce vaisseau-là, on apprend là, au fil des épisodes qu'il s'en allait vers une planète pour essayer de la coloniser, genre. Mais pour ça, ben, il avait cryogénisé les gens. Là. Mais bon, je vous dévoile rien en vous disant ça. C'est pas important. Là, ça a aucun rapport, l'affaire d'aller coloniser une planète. On suit vraiment les trois groupes de personnes qui sont échouées sur cette planète-là et avec la planète qui essaie de manger. Parce que c'est tellement dangereux sur cette planète-là, mais tellement magnifique. Puis c'est comme une... Dans le fond, ça te montre qu'il faut vivre en symbiose avec la nature. C'est ça le message, moi. Ben, il faut essayer de vivre en symbiose avec la nature plutôt qu'essayer de la dominer. Là, c'est un peu le message. Donc, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il disait plus loin? Il disait... Réception. La série a été saluée par la critique sur Rotten Tomatoes. La première saison a un score d'approbation de 100% avec une note moyenne de 8.7 basée sur... bon, voilà. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? C'est déroutant et merveilleux. Scavenger Ring présente un monde très vivant qui invite à l'exploration, autant pour ses personnages abandonnés que par les téléspectateurs. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je pense qu'on va écouter, oui, pourquoi pas, écoutons la bande-annonce. Je ne l'ai pas trouvée en français, j'ai trouvé juste une bande-annonce en anglais. Donc, on écoute la bande-annonce pour vous donner le coup de l'écouter. This is Ozzy Noreen of the Demeter 227. I am seeking rescue. Is anybody out there? Truth be told, I always thought I would die somewhere far away from home. But we're not just responsible for ourselves here. Well, I hope you brought some comfortable shoes, Levi. No, I don't have shoes. This place... Nothing really makes sense. It's like a puzzle. We just can't help the instinct to give meaning to things we don't understand. Oh God. I think there's something out there. Ursula, get your knife out. Nothing is safe out here. Voilà, j'espère que ça vous donne le goût d'aller l'écouter. Moi, j'ai adoré en tout cas. Scavenger Ring. En plus, cette série-là, tu sais, les couleurs sont très, très vives. C'est des belles couleurs. Les paysages sont magnifiques. C'est toutes des choses qu'on n'a jamais vues. Quand les personnages sont dans l'environnement, c'est magnifique. Ça fait penser à qu'est-ce qu'on pourrait vivre si on voyageait sur d'autres planètes. Puis moi, ça me fait rappeler, quand j'étais plus jeune, il y avait un film d'animation qui était dans le même style. Puis il y avait un petit garçon qui se perdait dans un environnement de nature comme ça, que c'était magnifique. Mais à un moment donné, il y avait des gros moustiques, trois gros moustiques qui venaient attaquer le petit garçon. Puis les moustiques essayaient d'y percer le dessus de la tête avec leur longue trompe, parce que les moustiques étaient aussi gros que le petit garçon. Puis il n'arrêtait pas d'y picosser la tête, puis le petit garçon était super sur le bord de mourir. Puis là, il y avait comme des voyageurs du temps qui arrivaient, qui apparaissaient, deux personnes qui débarquaient de leur vaisseau, puis ils tiraient sur les trois moustiques, et ils venaient sauver le petit garçon, puis là, ils partaient avec lui, puis ça finissait un peu dans cette façon-là. Le petit garçon était sauvé par des voyageurs du temps. Mais j'ai oublié le nom de cette animation-là, puis j'ai recherché dernièrement avec ChatGPT pour retrouver le nom, puis j'ai pas réussi. J'y expliquais là, qu'est-ce que je cherchais, mais bon, impossible à trouver. Donc, c'est la deuxième chose que je cherche dans ce podcast. Il y a la chanson des chats que je vous parle souvent, ou que c'est une chanson bien populaire, puis mais que j'entends plus à radio, vu que j'écoute pas vraiment à radio. Puis dans le vidéo, il y a deux chats qui sont habillés comme en habits d'Halloween, là. Mais comme des habits en velours, puis il y en a un qui est gris, l'autre, je me rappelle plus de la couleur, je pense qu'il est blanc, puis ils passent l'un devant l'autre pendant la chanson. Donc, puis je l'ai joué dans un des lobsters, mais je veux pas me retaper 150 lobsters. Fait qu'à un moment donné, je vais retomber dessus, mais bon, je cherche cette chanson-là, et je cherche maintenant ce film d'animation-là où le petit garçon se fait manger, attaquer par des moustiques et picasser la tête. Si jamais vous le savez, c'est quoi le titre, juste me l'écrire dans le site du Lobster sur Facebook. Bon, de quoi je voulais vous parler en dernier? Ah oui, si jamais vous trouvez pas Scavenger Ring, vous voulez quand même écouter quelque chose de bon, mais bon, qui est drôle et que le film est très mal coté, je vous dirais d'aller sur Netflix pour écouter, ça s'appelle comment? Grimsby, agent trop spécial. En anglais, c'est The Brother Grimsby. C'est un film avec Sacha Cohen Baron, là, celui qui a fait les films de Borat. Là. Et bien, c'est un peu dans le même style, mais plus action. Dans ce film-là, Borat, ben, Sacha, il cherche son frère qui a disparu depuis longtemps. Puis là, quand il le retrouve, ben, c'est un agent secret. Puis là, il arrive des conneries. Là, ils sont obligés de s'allier pour je sais plus quoi. Là, bon, peu importe l'histoire. L'histoire est bonne. Moi, ça dure pas longtemps. 1h23, je pense. 1h30 maximum. Mais dans ce film-là, il y a trois scènes qui sont mémorables où, trois fois, j'ai pouffé de rire et je suis écrasé sur le divan à rire et à rire parce que c'est trop drôle. On écoute une des scènes où Sacha, il est avec son frère, ils combattent des méchants, et là, son frère, il reçoit une fléchette empoisonnée dans l'épaule. Puis là, écoutez qu'est-ce qui se passe. Je suis sûr que ça va vous donner le goût d'aller l'écouter après. On écoute. Ah. Nabi! Quoi? Amène-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tu dois sucer la plaie qu'il y a sur mon épaule. Non, désolé, je poserai jamais ma bouche sur l'épaule d'un gars, c'est un truc de pédé. Suce, je te dis. Attends, on a même viré des gens de Grimsby pour avoir commandé un repas végétarien. Cette fléchette était remplie de toxines de l'onomia et je serais mort dans quelques secondes si tu ne me l'extrais pas. Ok. Plus fort. C'est ça. N'avale pas le poison, crache-le par terre. Bien joué. Oh, merci Seigneur, j'ai cru que j'allais te perdre. Je t'aime tellement. Nabi. Quoi? Une fléchette m'a touché ailleurs. Où ça? Ah non, cette fois je tomberai pas dans le panneau. Ah non, là tu rêves. Hé, tu fais quoi là? Oula, pourquoi tu te dessapes? La toxine se propage depuis un lobule de mon testicule gauche et remonte via le plexus spermatique vers mes reins. Suce-la moi. Jésus nous a dit, en aucun cas tu ne suceras les burnes de ton propre frère. Suce, je t'ai dit, ou je serais mort dans 60 secondes. Mais j'ai passé 30 ans de ma vie à te chercher, putain, j'aurais pu te trouver en 2 minutes sur Gay Online. Choisis, tu suces mon scrotum ou tu me regardes mourir. Ok. Tu voudrais qu'on écrive quoi sur ta tombe? Suce mes burnes! Oh! Il ne me reste plus que 40 secondes. Oh, d'accord. C'est pour papa. Suce-moi. Allez! Suce et après tu craches. Suce et crache. Ah, oh, ça se diffuse trop vite. Faut que je te grimpe dessus. Touche-toi par là. Non, je fais pas le sachet de thé. Hein, c'est ma ligne rouge. Faut vite. Que ça sorte. Ça refuse de sortir. Voilà, c'est un film qui est drôle tout le long, qui s'écoute bien. Un beau film à écouter pour un vendredi soir, si vous n'avez rien à faire, allez écouter ça. Grimsby, agent spécial. Il est disponible sur Netflix. Donc, je pense que ça va être ça pour la fin de ce Lobster. Le Lobster va sortir dès que le site archive.org revient en ligne, même s'il est enregistré un petit peu d'avance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de terminer? Ah oui, pour ceux que ça intéresse, Civilization 7 est prévu pour début 2025. Et d'après ce que j'ai entendu dire, il va être fait en se basant sur les meilleurs qui ont été faits, sur le 3 et le 5. Donc, il y a une vidéo de Firaxis où on voit Sid Meier là, qui nous parle pendant 28 minutes, 30 minutes. Moi, j'ai écouté toute la vidéo, puis ça a l'air magnifique dans Civilization 7. Il introduit des nouvelles choses, tout en essayant de ressembler un peu à Civilization 3, où ce qu'on avait les Wonders à construire, les merveilles qu'il fallait construire, qui nous donnaient des bonus. Et maintenant, une des particularités, c'est qu'on peut choisir notre leader pour démarrer, mais on peut choisir aussi, indifféremment du leader, notre endroit où est-ce qu'on va partir. Donc, tu sais, avant, quand tu prenais le chef des Zoulous, ben tu démarrais à tel endroit. Si tu prenais Cléopâtre, ben automatiquement tu partais en Égypte ou quelque chose dans le Nil, puis que ta civilisation qui allait avec ça, tu avais tel bonus. Mais maintenant, les deux vont être séparés l'un de l'autre. Tu peux choisir Cléopâtre et partir au Canada, disons, avec une civilisation qui aurait des bonus, par exemple, les Indiens. Donc voilà. Donc ça a l'air très bien, Civilization 7, un jeu qu'on attend pour 2025. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne... amusez-vous bien. Je vous souhaite un bel automne. Puis on se reparle dès que je peux. Merci! Je clique, j'attends, mais rien ne vient. Le lobster est juste là, dans mes mains. Un trésor d'histoire, un moment à écouter. Mais le monde numérique a décidé de le cacher. Archive or est down, down, down. Victime d'une tempête qui l'a mis sur l'un des dos a frappé, tout est resté bloqué. Et le lobster, je ne peux plus l'écouter. Down, down, down. Et moi je reste là à attendre son retour. Un océan de données hors de portée. Mon lobster s'est envolé. Et zone numérique me font faux bon. Sous nos cocos, attends mes leçons et prison. Culture d'histoire à raconter. C'était un sous les coups d'un réseau attaqué. Archive or est down, down, down. Victime d'une tempête qui l'a mis au sol. Un des dos a frappé, tout est resté bloqué. Et le lobster, je ne peux plus l'écouter. Down, down, down. Et moi je reste là à attendre son retour. Un océan de données hors de portée. Mon lobster. nouvel espoir renaît dans chaque connexion. Les serveurs se relèvent après l'abandon. Un jour on rejouera ces histoires oubliées. Quand le calme me reviendra, je pourrai enfin l'écouter. Archive or et down, down, down. Victime d'une tempête qui l'a mis au sol. Un des dos a frappé, tout est resté bloqué. Et le lobster, je ne peux plus l'écouter. Down, down, mais un jour c'est sûr, tout reviendra. Et ce jour-là, je pourrai enfin écouter ce lobster que j'avais.